nothing but today gonna be tomorrow. Don't you worry no more. Take a time to look around. These people care about you. Tomorrow gonna be alright. So don't you worry no. I wanna live my life. I don't wanna wait no more. Show me some paradise. I just wanna see some more. Is there a place for people who wanna be free? If you're looking for me, I'ma be there. Chef. Bonjour Guéguette, bienvenue. Bonjour. Bonjour Julie. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Bonjour le reste de l'équipe, vous qui répondez au standard 0870 42 48, comment ça va les filles? Tout. Les filles. Margot, ça va? Oui. Ça va Mika? Ça va, impeccable. Je vais t'appeler Miquette. Tu es ma Miquette, ce soir tu es une fille. Tu es ma Miquette. Tu es Miquette. Je vais me changer alors. Non, reste comme ça, tu es belle. Reste comme ça, tu es séduisante, Miquette. Merci beaucoup. Mais tu es ma Miquette à moi. Vous êtes inquiétants tous les deux depuis que vous faites beaucoup de choses ensemble. C'est la Miquette à coco. On se raccroche. C'est la Miquette à coco. C'est la Miquette à coco. C'est ça. Ouais, vous faites flipper. C'est gênant. Quoi? On fait flipper. On fait flipper. Ouais, ça fait flipper. Pourquoi? Je sais pas, vous êtes trop proches. La Miquette à coco. Les petits mots, les machins, comme ça. Dans Miquette, Caquette. On est trop proches. Ouais. J'entends ce qu'il dit, Miquette. Miquette à coco, ça fait peur quand même. Il vous fait une crise de jalousie, la pièce. Bah alors non, la Miquette à coco, ça va. Moi, je ne touche pas la Miquette à coco. Tu as tort de ne pas toucher le Bacari de coco. Ah ouais, le Bacari. Le Bacari. J'ai des messages depuis hier sur mon Twitter et Facebook qui disent comment va ton Bacari. Écoutez, il va très bien. Il est en brochette. Il est pas en brochette. Ton Bacari, je l'emmerde. Je le fous en brochette. Et non, elle ne l'a pas mis en brochette, cette dame. Qu'est-ce qu'elle m'a beaucoup fait rire, cette dame. Elle s'appelait Lou. Elle était géniale, Lou. Non, c'est pas calmé. Découvre Daniel Lacoulette. Alors, nous avons appelé cette phrase Na Daniel Lacoulette, puisque nous n'avons pas bien compris ce qu'elle disait. Découvre Daniel Lacoulette. Daniel Lacoulette. Et oui. Mais en tout cas, lui fait un gros bisou à Lou. Elle était adorable. Tout à l'heure, qui sera notre invitée, Julie? Claudio Capeo. Claudio Capeo. Numéro 1 des ventes d'albums 6 semaines cet été. Hein. Incroyable. C'est beau, hein? C'est beau. L'île là dans où j'étais comme vous. J'adore. Dans le public, il y a plein de tout là, dans le public ce soir. Alors, il y en a même une dans le fond qui était venue nous voir il y a quelques temps. Vous vous souvenez pas celle qui était. Levez-vous? Qui était. Bah, elle est déjà debout. Françoise! Ah non! Mais c'est pas Françoise! Mais non! C'est celle qui nous avait fait du de la ventre Iloki. Voilà, elle a pas fait que ça. Hein. Avec la bouche, mais qui bougeait pas. Mais t'as changé, Françoise! Ah, pas la voix. C'est la même. La voix, elle est toujours la même. Ça va, Françoise? Est-ce que tu fais toujours depuis qu'il y a eu le succès? Parce que j'ai regardé la dernière fois Jeff Panaclock, il t'a tout piqué. Hein. Ouais, ça c'est vrai par contre. Ah, mais ça je lui ai dit. Je savais. Ah ouais. Non, attends, mais de mémoire, Françoise était. Ventriloque, voyante, chanteuse. Mais chanteuse, tu l'as reconnue? Stripteaseuse, même, il me semble. Non, bah, stripteaseuse, c'est sûr. Modèle photo. Ouais, par contre, t'es pas très loin, Pietre, puisque pourquoi je vais devenir mannequin atypique avec l'agence Wanted Paris. Donc. Tu vois, atypique. Ouais. Atypique. Je peux pas faire autrement, Sébastien. Sinon ce serait mentir, oui, bien sûr. Alors, mais mannequin atypique, mais attendez, vous savez que ça marche de plus en plus. Les trop grands, les trop gros, les plus petits, voilà. Ouais. Maintenant, ils cherchent des gens, des fois, des physiques et tout, dans des films ou dans des pubs, et il y a des gens qui en vivent. Quand un physique. Bah là, on est bien. Voilà. Et puis je continue un peu les voyances puisque tu fais de la voyance. Il faudrait qu'elle fasse une petite voyance. Est-ce que tu es encore un peu ventriloque? Un tout petit peu. Viens ici. Sébastien, j'ai les cartes. Viens ici. Trouvez-lui une chaussette. Alors là, le public, si vous ne connaissez pas, une vraie chaussette. Vous allez être bluffé. Loris, tu n'étais pas à ce moment-là. Elle était venue nous voir il y a quoi, 3-4 ans? Oui, au moins. 5 ans. Bluffé. Sacrifier une chaussette, je m'en fous. Sacrifier une chaussette. Ça va, Françoise. Mais moi, ça fait plaisir de la voir. T'as sacrifié ton slip, tu peux sacrifier une chaussette. Vas-y. Voilà. Alors, bon. Alors, Françoise, je te laisse mettre Jeff Panaclock au bout de ta main. Là. Elle est chaude, la chaussette. Alors, écoutez-moi bien. Alors, si tu n'as jamais vu ça, Loris, tu vas halluciner, même à la radio, c'est drôle. Vous ne connaissez pas, Loris. Et même vous qui nous écoutez sur Énergie, vous allez halluciner. C'est le plus beau numéro de ventriloquie. C'est-à-dire, elle fait un personnage et vous l'oubliez au bout de quelques secondes parce que vous ne voyez que le personnage qui vous parle. Je rigole pas. Hein. Alors, attention, comment s'appelle ton personnage? Attends, vas-y, mets-toi en place. Attention, donc, Françoise. C'est Kiki. Alors on y va. Françoise, tu n'as donc toujours pas compris le concept qui consiste donc à ne pas bouger les lèvres. Non, pas du tout. D'accord, c'est bluffant, hein, bluffant. La Panaclock, il a vu ça, il a fait j'arrête tout. Et j'ai les cartes, par contre. Ah, elle peut nous faire une voyance. Oui, bon, pas tout de suite, pas dès le début de l'émission. Je la sens, elle va bien se passer, cette émission. Bah, quand tu veux, de toute façon. C'est sexuel. Reste avec nous, il y aura Alexis qui a 15 ans dans 2 minutes. Tu bouges pas, Alexis. Bonsoir, Corinne. Salut, mon pote. Il se fait draguer par une fille, plus vieille ou plus jeune. Reste avec nous, vous le saurez après Charles Pousse. Corinne, 19h, 22h, sur Énergie. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. All of it for out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight, if he's giving it to you just right the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Je ne veux pas vous spoiler, mais la 7e saison de Koé sur Énergie, je la connais déjà, moi. Julie va crier. Koé sera de mauvaise foi. Julie va crier. Pietre et Guéguette feront les gamins. Julie va crier. Loris va finir chez les flics et... Julie va crier. Koé, 19h-22h sur Énergie. Dans la France, la Belgique, la Suisse, et vous qui nous écoutez dans le monde. Dans quelques jours, le retour de Maître Gims chez nous. Comme jamais. Il y aura plein de gens tout à l'heure. Il y aura Claudio Capeo qui va venir. Ça va, ma Julie, t'es en forme? Oui, très bien. C'est vrai? Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est hey, Françoise, mon l'adore. Françoise, quelle imitation, ce personnage-là, de cette ventriloquie de Kiki. Ah ouais, hein. Ah, c'est magique. Ah, bisous, Françoise. Ne lui redonne pas le micro. Bisous, mon coin. On va pas le rendre. À tout à l'heure. Tu le fais bien. Ça va, Alexis? Oui. Faut en faire un jingle, t'es en les forme, gars. Alexis? T'habites où? À Nantes. T'as 15 ans, Alexis. Oui. Alexis nous a envoyé un mail. Il me dit bonjour. J'ai... Oh, il y a des fautes apparemment. Alexis. Alexis. Tu, oui, tu entends cet applaudissement? C'est ton prof de français de chez lui qui t'applaudit. Oui. Tu entends ou pas, Alexis? Ouais. Alexis, j'ai un conseil. G-J-E-T. Ah, oh, comme un jet. C'est à l'anglaise. Jet un conseil. Conseil, C-O-N-S-E-I-2-L-E. Oh là là. Ouais. A demandé à Koé, une fille de 9 ans est tombée amoureuse de moi et j'ai jet, J-E-T. Et jet, 15 ans, qu'est-ce que je dois faire? Bah déjà, vous avez le même niveau d'orthographe. Ouais. C'est un truc qui vous rapproche. Elle a 9 ans? Oui. Ne dis pas qu'à 9 ans, elle veut toucher ton... Non, mais non, mais non. Bonjour, j'ai envie de toucher ton... Bon, mais comment elle peut être amoureuse de toi? C'est mignon. Non, elle peut être amoureuse de toi, mais tu ne peux rien faire avec bah elle. Non, bah non, heureusement t'as encore. Pas envie non plus, Alexis, trop jeune. À moins que ce soit fait déjà. Alexis. Alexis, rassure-nous. Oui. Tu es contre cette drague, tu lui as dit que ce n'était pas possible. Bah, je ne sais pas quoi lui dire. Bah, que ce n'est pas possible. Ouais. Pourquoi tu sais pas quoi lui dire? T'as peur de lui faire de la peine? Hein? T'as peur de lui faire de la peine ou toi aussi t'as des sentiments? Oui. Ah bon, toi t'as pas de sentiments pour elle? Non. Ah oui, on est d'accord. Non, okay. Parce que là ça fait quand même une grosse différence. Ah, mais oui, elle te dit quoi? Comment elle te dit qu'elle est amoureuse de toi? Bah déjà quand elle est arrivée, elle a essayé de m'embrasser. Ah, chaude. Ah oui. Ah oui. Après sa sœur m'embêtait, elle a dit à sa sœur laisse mon mec tranquille. Laisse mon mec tranquille. Ah donc c'est la petite sœur. Oui mais c'est des petites amourettes quand t'as 9 ans, ouais. T'es folle amoureuse. Ouais mec, mais il a un forfait SMS illimité, c'est de michto, ça se sent. Elle est intéressée. Elle est intéressée. Bah ouais. Attends. Oh. Et quoi d'autre? Bah c'est tout. Oh mais c'est pas grave, c'est d'être pas grave. Moi je trouve ça mignon. Bah, mignon. Oui, oui. Faut que tu lui dises. Tu lui dis écoute c'est mignon, on mais a t'as 9 ans. Âge, on n'a pas le même âge, voilà, t'es toute jeune, tu pourrais être ma petite sœur. On se mariera plus tard. Oui. T'as beaucoup de conversations, hein, Alexis, hein? Tu parles beaucoup, beaucoup, hein? Non. Bah non. Ah bon. J'ai essayé de le dérider, hein, comme ouais, je peux, mais... Non, mais alors, voilà, imagine, Julie, tu fais la petite fille. Comment elle s'appelle? Elena. Voilà, tu es Elena, okay. Tu viens le voir. Alexis, je peux te faire un bisou? Non. Pourquoi j'ai pas le droit à un bisou, mais j'ai envie de t'embrasser, moi? Parce que t'es trop jeune. Bah oui, mais j'ai quand même envie, je vais être triste sinon. Faut répondre quelque chose, Alexis, là. Il s'est barré. Alexis? Ouais? Faut répondre quelque chose quand elle te parle. On recommence, on recommence. Je vais être triste, Julie, on recommence, on y retourne. Coucou, Alexis, je peux te faire un bisou? J'ai envie de t'embrasser, je suis trop amoureuse de toi. Non. Comment ça? Non, mais moi, je veux te faire un bisou. Je vais être trop triste sinon si tu me fais pas un bisou. Oufou. Alexis. Alexis. Alexis. Quoi? Faut je parler dans la vie, tu sais, on peut pas dire que. Oui, non. Faut dire des trucs. On t'entraîne là, on te file un coup de main. Oui. On y retourne. Il faut pas lui dire que non, parce Julie, que la pauvre. On y retourne. À toi. Alexis, je peux t'embrasser s'il te plaît, j'ai trop envie, je suis trop amoureuse de toi. Non. Mais je vais être triste, il faudrait un petit bisou. Ça, il le maîtrise. Un petit bisou. T'es trop jeune. Ah oui, mais je vais être trop triste là. Si tu sais, je peux pas t'embrasser, comment je vais faire moi? Bah, tu trouves un autre mec. Ah, c'est un peu rude. Elle a 9 ans. C'est un peu rude. Regarde, tu l'as fait pleurer maintenant. Et t'es obligé de la distraire. Bon, Alexis, il faut que tu sois gentil avec elle. Sois pas aussi brutal. Elle ouais. a 9 ans, elle se rend pas compte, elle est amoureuse de toi. Faut que tu lui dises, écoute, voilà, gentiment. Tu vas trouver un amoureux de ton âge. Voilà, pour faire un copain de ton âge. Ou tu lui dis, j'ai déjà une chérie. Voilà. C'est ta sœur. Ouais. D'accord. Ok. D'accord. Alexandre, voilà, on a eu un forfait mot illimité là, je crois. C'était que par non, par oui. Tu sais. C'est pas un ni oui ni non. Salut Alexis. Non. Salut. Ah, il a dit salut. Bon. À bientôt. À bientôt. Salut, mon gars. Passez-nous un coup de fil 0870 42 48. J'espère que tout va bien et que vous êtes en pleine forme. Serait-ce Major Lazer et Justin Bieber? Oui. Ah, il est bien ce morceau. Il est kiffant. Ce soir, on est mercredi. Hey. Tout à l'heure, il y a Claudio Capero. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. Mike Tyson a volé une glace à 5 euros. Ouais. Mais tout le monde voit qui c'est dans le public, Mike Tyson, l'ancien boxeur, là. Il fait 110 kilos le quand monstre. Même. Hein. Et Mike Tyson, il a un stand de glace de la marque Ben & Jerry's qui font des glaces d'enculé. Ouais. C'est bon. Trop bonne. Et Mike Tyson, si, c'est vrai, ça a la crème et tout, c'est une tuerie. Et Mike Tyson, il a volé, il a pris, il est rentré, il a ouvert le congélo.

Tu connais déjà la fin. Et comment ça va se terminer. Till Bolt est accusé. Est-ce que tu sais de quoi t'es accusé? Non, honnêtement non. Honnêtement, tu ne sais pas. Réfléchis bien. De quoi tu pourrais avoir? Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir fait comme connerie ces derniers jours? On t'a fait des reproches. On t'a reproché. On t'a reproché des trucs à l'antenne. Ah, pour le public. Donc, vas-y. Vous êtes sérieux pour ça? Vous me faites un tribunal? Eh, mais Énergie, première radio de France là. Ouais, oh. Attends, et moi, je fais partie du public. Eh, des gars, le public, faut le dire. Alors. Parce que je fais applaudir le public trop tôt. Eh oui. Ouais, parce qu'il fait applaudir le public sur le jingle, ce qui fait que les gens n'entendent jamais Koé. Ouais. Écoute ce que ça donne. Écoute, écoute, écoute. Koé, 19h22h. C'est bien là. Ah non, c'est trop tôt. Ah oui. Trop tôt. Ça va. On n'entend pas parler. Trop tôt, trop tôt, trop tôt. Trop moche. Trop moche. Trop. Horrible. Pas beau. Caca. Sale. Appelez-moi quelqu'un au hasard en France, s'il vous plaît. Il va falloir que tu défendes. Claire au hasard qui va devenir jury. Voilà, c'est donc clair, tu vas devoir t'expliquer. Il mérite quoi? Laissez-moi le trouver. Oh, rien aujourd'hui, un petit nouveau. Tu vas recevoir des applaudissements du public. Gentil en plus. Non, tu vas recevoir des applaudissements du public. Ah. Dans la gueule. Allô, allô, bonjour, vous êtes Claire, bonjour, je m'appelle Koé, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous, Claire? Bonjour. Bonjour, je ne vous dérange pas. Non, c'est qui? C'est Koé. Koé. Très beau gosse. 1m95, oui. Surfeur. Voyez ou pas, avec les cheveux dans les yeux. C'est une blague? Bah oui, ça c'est une blague. Ça. Oui, il a pas les cheveux dans les yeux. Je vous confirme, c'est une blague. Bon, par contre, je vous présente notre assistant, Thibault. Thibault. Voilà. Oui. Vous allez être le jury. C'est vraiment Koé de la radio? Oui. D'accord. Lui-même en personne. Et oui. Très bien. Ça vous fait quelque enchanté, chose, bonjour Koé. Ça vous fait quelque chose ou pas? Pardon? Ça vous fait quelque chose ou pas? C'est surprenant là, hein, quand on est à la maison tranquillement, on s'y attend pas forcément. Moi aussi, ça me surprend. Vous savez, des fois, je me surprends moi-même. Très bien. Ça me fait plaisir de vous surprendre. Ça va? Vous voulez qu'on vous laisse tous les deux? Oui, venez nous faire une fête. Vous habitez où, Claire? J'en profite. Hein. J'habite à Lanvesque, dans les Bouches-du-Rhône. Oh là là, ça fait loin pour aller niquer, mais. Mais pour faire connaissance une fois, un jour, peut-être. Peut-être, là. Je... Bon, Claire, là n'est pas le problème. Vous êtes la présidente du jury du tribunal populaire. Till Bolt, qui est notre stagiaire, a fait une énorme connerie. Systématiquement, oui, il passe son temps à faire applaudir le public trop tôt sur le jingle, ce qui fait que les gens entendent 19h, 22h, et après, ils n'entendent jamais Koé sur Énergie. D'accord. Till Bolt, est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'expliquer? Tu as 10 secondes. Alors, je veux pas dire, mais en fait, le retour, il n'est pas assez fort. Ah, il remet ça sur Margot? Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Donc, voilà. Et puis ça arrive une fois, franchement. Du coup, je suis obligé de faire au feeling. Oh là là, comment il assume pas. Je crois que c'est une émission qu'on va confier au feeling pour les stagiaires. Ouais. On va confier la première émission de France à des mecs qui sont là, ils font je fais au feeling, les gars. À l'américaine. Vous avez l'air d'avoir un problème en interne là. Ouais. Je vous cache pas que c'est un petit problème que nous avons, mais que nous allons régler bientôt. Surtout que Thibault balance, quoi. Alors, Claire, c'est vous qui allez choisir. Il risque de recevoir la sentence de 1 à 5 personnes du public qui lui font des applaudissements. Pour du public, t'emmerdes pas, on va le faire nous-mêmes. Applaudissements dans la gueule. C'est vous qui choisissez de 1 à 5 personnes. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais. C'est ça, une. Ouais. Cinq. Non, une, c'est pour lui. C'est vraiment catastrophique avec ce stagiaire. Ouais, ouais, il mérite 5, il mérite 5. Il mérite au moins entre 4 et 5. Bon, ben va pour 5 alors. Ah. Merci Claire. Merci Claire. Merci. Attention, c'est donc merci. Julie Guéguette. Qui va commencer. Non, Guéguette commence, il sait très bien faire. Regarde, enlève ton casque, enlève ton casque. Alors tu ne résistes pas, tu ne mets pas les mains, tu te laisses faire, tu es une petite froufroute, tu viens de rentrer dans l'équipe, tu n'as rien à dire. J'applaudis. Hein. On ne dit pas. Allez, bravo Julie. Oh, oh. Non, c'est pas ça. Oh, c'était pas fort. Pierre, tu mets les mains, ne touche pas, ne bouge pas les mains. Mains. Pierre, il va te montrer. Prenez-le. On dit la souplesse. Bravo Pierre. Doucement, doucement. Les mains. Non mais. Non, franchement, j'étais gentil. Hey, oh, attends, excuse-moi. On dit doucement, monsieur Pierre. Qui tu es, toi? T'es prêt? Bravo. Très bien. Guéguette maintenant. Guéguette, guéguette, guéguette. C'est vrai que c'est souple, toi. Quelqu'un du public veut essayer? Une jeune fille, par exemple, va se faire plaisir à applaudir. Tu veux? Non. Allez, vas-y, à toi. Je suis un concert et là, j'applaudis un rythme. C'est Loris, pas mal, c'est Loris, pas mal. Ah, oui, Loris en Sacha le dresseur, parce que la vidéo, ça y est, elle est. Non, mais le gars, il est comme ça depuis hier. Ah ouais, si tu veux, on l'a même. La vidéo, elle est mise. Je vous expliquerai tout à l'heure. C'est une histoire d'épuisette d'hier où il est allé chasser des gens. Mettez-la maintenant, la vidéo, sur ma chaîne YouTube. Et il va chercher des gens en Pokémon dans la rue. Et du coup, le gars reste en Sacha. Ouais, il aime bien son look. Attention, fais un petit bravo. En quatrième. C'est quatrième. Tiens, bravo. Bravo. Il en reste un, hein. Coucou. Il en reste un, qui le fait? Stouf. Non, toi non, non, parce que n'en vomis pas. Stouf, reste sur le sol, quoi. Ça garde tes mains. Chaud. Il y a Mika qui non, Mika, il va faire mal. Stouf, vas-y. Stouf, vas-y. Stouf, t'es bonne en gifle. Ouais, t'es bonne tout court, vas-y, vas-y, vas-y. Sur la photo où on en est collier. Elle est bonne, la Stouf. Tu te fais un kiff, tu fais bravo. Qui est ton chanteur préféré? Moi. En ce moment, l'artiste que tu kiffes le plus? Non, il n'existe plus, lui. Il y a bien un artiste, un chanteur que je trouve trop beau. Drake. Eh ben imagine, Drake vient de finir une chanson d'amour. Il a dit ton prénom à la fin. Il a dit I love you, Stouff. Ok. Ok. Et là, applaudissements. Mais non. C'est quoi ça? Mais montre-toi alors. Déjà, il faut jouer l'alternance. Je vais te montrer. C'est gauche-droite. Tu ne dis pas en décalé. Mais tu applaudis pas comme ça. Je vais vous montrer. Le principal, voilà. C'est les au milieu. Le principe. Tes parents, ils ont signé la décharge ou pas pour le. Le principe, c'est pas si tu fais comme ça. Tac. Toi, tu l'as fait du bout des mains. Oui, oui, t'étais trop gentil, Mastouf. Tu es trop content. Tu as la main souple. Tu es souple. Tu as la joue souple. Non, détends ta joue. Décharge. Comment? Mais si, tu vas la sentir. Ah, vas-y, détends ta joue. Et là, t'es en mode comme ça. Et tu dis, vas-y, alors vas-y. Moi, imagine par exemple, je suis fan de. Gilo, je suis fan de Gilo. Et là, Gilo, elle dit quoi? I want your kick. Ça c'est du truc. Bien, reste avec nous sur Énergie. On est de retour dans 2 minutes pour la suite. On aura vous tous au téléphone. On va checker le bahut pour avoir le principe du label de qualité Koé. Ça marche bien tout à l'heure. Ce sera Mathis qui va nous faire checker son bahut à Niort. Le lycée Paul Guérin. Qu'est-ce qu'on écoute? Jonas Blue. Ah, il est bien le nouveau Jonas Blue. Dépêchez-vous en fait si vous voulez rencontrer Shawn Mendes. On va vous permettre de le faire sur énergie.fr. Montre-moi le son plus fort. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. Here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. C'est la 7e saison de Koé sur Énergie. Koé, 19h-22h sur Énergie. C'est la 7e saison. Pour l'instant, c'est le moment de checker le bahut. C'est quoi ce... Ça me fait trop rire, moi. ça y est, hein, vous avez vu Ronaldo et Cristiano Ronaldo, ça y est. Hein. Ah, mais ah, c'est... Oh, il a dû faire pleurer tellement de nanas. Eh, ça y est, le fantasme féminin là. Le il beau est gosse. Trop beau Ronaldo là. Eh, depuis le temps qu'on le dit, que vous le dites. Bah, vous assumez c'est pas. C'est ce que j'ai dit, hein. Trop beau, trop. Ouais. Bon. Ouais. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Hein. Oui. Tous les mecs, tous les beaux, les plus gros beaux gosses. Arrête, David Beckham, il est pas encore gay. Il était moche au début avant qu'elle le reprenne en main. Il était moche, mais Ronaldo aussi. Il était dégueulasse. Non mais là le gars est devenu, là ça y est, bah vous pouvez dormir avec lui les filles, vous laissera tranquille, vous passerez une bonne nuit. Hein. Ah, la déception pour nous les filles. Mais il y avait déjà plein de sous-entendus. Enfin, et puis après, il disait qu'il partait voir des chez potes. Son pote le brésilien au bord de la piscine et démonté. Il faisait des allers-retours. Ah oui, il y a la photo de lui au début. Ah ouais, dégueulasse au début, ses amis. Ah oui, exact. Dégueulasse, c'est Ronaldo Chico là, Ah oui, il est pas beau. Mais les footballeurs au démarrage sont très moches. Et oui, après avec l'argent. À un moment donné, voilà, avec les sous, ça devient. Voilà, ça vient de sortir pour de bon. Donc, il est très proche d'un de ses copains, visiblement, à qui on le voit en train d'embrasser. Il y a plein de photos où il l'embrasse. Hein. Il est en assumage ou pas, du coup, sur non, bah non, bah non. Ah non, même pas. C'est des photos volées. Ah bah non, ah, enfin, il est pas en coming out là pour l'instant. Non, il est pas en coming out, mais enfin, ça va venir. Tu vois la photo. Ah bah là, il va devoir obligé de s'assumer. Hein. Ouais, il a perdu ses clés de bagnole dans sa bouche. Il y en avait d'autres, j'en ai vu d'autres qui circulaient en même temps dans la suite du truc avec les au bord d'une piscine avec un mec et tout. Ouais, qui le prend dans les bras et tout. Non, pas celle-là, une autre. Ou vraiment pareil quoi. Il a son fusil dans ses fesses, mais c'est un hasard. C'est un hasard. Il est tombé dessus. Il cherchait les clés, toujours les clés, les clés. On fait un bisou à Mathis. On a le droit de dire zizi dans les fesses. Ouais. Oui. Enfin, les amis, vous avez pas. Attends, excuse-moi Mathis, je règle un problème. Tu me fais engueuler. Non mais arrêtez. On a plus le droit de rien faire là. Maintenant, je dis zizi dans les fesses. Et on me dit, on regarde. Oh, zizi fesses. Il y a quoi de. Excuse-moi. Zizi fesses, ça passe. Même les livres de Titeuf qui sont faits pour les enfants, ils ont fait zizi sexuel. Alors, on a le droit dans Titeuf et moi j'aurais plus le droit de dire zizi fesses. Vous foutez de ma gueule. Oh, ça commence à me saouler ça. À chaque fois que je dis un truc de travers, maintenant c'est ça. Dis jamais zizi et fesses, peut-être c'est ça. Mais c'est pour toi que je dis ça. Hein. Ah, ils disent bien pire dans les bureaux, c'est ça. C'est tout, sauf que c'est pas à la radio. C'est vrai. Enfin, c'est incroyable ça. On y va. Déjà qu'on est les gardiens de la morale, on est les gardiens du bien parler, on est les gardiens des bons mots et du non dérapage. C'est vrai. On fait attention à tout le temps. Et quand je dis zizi et fesses, c'est dingue. Hein. Enfin, c'est incroyable cette censure qu'on a maintenant. Vrai, plus on avance dans le temps, plus on est censuré. Mais c'est ce que j'allais dire. Hein, écoutez la première saison de l'émission. La censure, les amis. La censure arrive. Ça y est, on y est. Bon, Mathis, 15 ans, Niort, lycée Paul Guérin. Salut Koué, salut l'équipe. Salut mon gars, ça va le lycée? Il est comment le lycée Paul Guérin? Moi je vois une photo, il est pas mal, il est convivial. Alors déjà, la question, qui était Paul Guérin? Il est en forme de donut, pas mal. C'était un enseignant technicien en France. Ah, t'es super, courant, maintenant ils mettent des lycées avec des noms de chauffeurs de bus. Le mec, il était maçon. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Ah, Paul Guérin, non, on peut pas dire qu'il a écrit beaucoup de livres. Hein, ouais. Ou alors on les a pas lus. Classement de ton bahut, 1738 sur 2277. Ah, c'est pas top, hein. C'est pas terrible. Et puis alors, classement départemental, mon pote, 10e sur 11. Avant-dernier. Oula. Ah ouais. Au niveau des résultats, c'est ça? Ouais, mais bon, les mecs ils mettent un chauffeur de bus comme nom de lycée. Oui, forcément. Ouais, ils auraient pu mettre un gars qui a eu le prix Nobel, tu vois. Ça... Ouais. Bon, attention, d'abord, tu vas nous dire, est-ce que tout est bien dans ce lycée? Qu'est-ce qu'il y a qui va ou qui va pas? Le self, c'est bon, la cantine. Ah, t'as de la c'est rare. Ah, c'est rare, ouais, d'avoir une c'est cantine rare. Bonne. Mmh. Déjà un bon truc, le self est bon. Tu sais que c'est mais déjà après, beau. C'est organisation, c'est bon. C'est pas totalement ça. Comment ça en organisation? Ben, on est au courant en retard ou pas du tout. Enfin, l'année dernière, c'était n'importe quoi en fin d'année. Genre, en courant en retard, de quoi? Ben, par exemple, hier, il y avait les TPE qui commençaient, on ne savait pas où aller, puis la vie scolaire n'était pas au courant. Vous avez cours? Ah, je sais pas, moi, je m'en fais pas ça. Tu as une CPE, les couilles. Chez moi, alors là, je. Moi, je suis prof de quoi déjà? Ah, je ne sais plus. Bon, ah non, j'aime pas cette je vais donc appeler ce lycée. Si on leur met des bonnes notes, ils ont le label Coé Qualité. Ouais. Sinon, ils ne l'ont pas. D'accord. Okay. Nature 5. Je dis pas que c'est toi, hein, t'inquiète pas. Ils sont sympas les profs là-bas? Oui, ça va, ils sont cool. Tu commences à flipper, hein, t'as peur que je le dise. Hein. Ouais. T'inquiète. Biscola Paul Guérin, bonjour. Allô, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ben, très bien et vous? Magnifique, monsieur Coé à l'appareil, on est sur énergie, vous allez bien? Coé? Oui, Coé. Coé? Oui, Coé. Vous allez bien? Ben écoutez-vous bien et vous? Bon, ça va super, voilà. Alors, je vous explique. Depuis le début de l'année, nous sommes mandatés par le ministère de l'Éducation nationale pour aller mettre le label Coé Qualité sur certains lycées de France. D'accord. Alors voilà, je vous pose donc une série de questions, vous y répondez, et vous, si vous avez les bonnes notes, vous avez le label. Mais excusez-nous, mais vous êtes à la vie scolaire et nous, on prend pas les décisions et on répond pas. Excusez-moi, vous sortez d'où? Excusez-moi, est-ce que vous avez levé la main avant de parler? J'étais en pleine conversation avec une jeune personne sympathique et vous êtes rentré dans la conversation. Vous avez levé la main? Vous avez un mot des parents? Allô? Alors repassez-moi la grande personne avec qui j'étais en ligne, s'il vous plaît, la vie scolaire. On prend pas la décision de répondre non plus. Allô? Il était content de t'avoir, le monsieur. Ben oui, et là, je sais pas, il y a l'autre qui arrive à dire ah, mais arrête tes blagues, nous on est vie scolaire. Hein, la vie scolaire, hein. Il décide de rien. Allô? Oui. Ben, ah. C'était qui cette personne qui a pris le téléphone? Vous êtes sympa, vous, monsieur. Vous êtes sympa. Vous écoutez. C'était qui l'autre personne? Pardon? C'était qui l'autre personne qui a parlé? Ben, c'est moi-même. Non, il y avait une voix de fille là. Oui. Ah, c'est la responsable. Ah. D'accord. Bon, qu'elle ne vienne plus nous déranger. Première question. Est-ce qu'il y a des frites régulièrement à la cantine? Faux. Faux. Lui, il est dans un jeu. C'est vrai, okay. Faux. Deuxième question. Y a-t-il la télé dans le foyer ou à la salle de détente? Oui. Hein? Oui, oui. Oui, ah, c'est bien, vous marquez un point. Est-ce que les élèves ont un coin pour fumer, même si c'est pas bien? Oui ou non? Oui. Oui, okay. D'accord. T'as la vie scolaire derrière, la meuf qui doit lui dire, faut dire oui. Faut est-ce dire que oui. Vous avez des jeunes profs mignonnes? C'est pour aider les élèves à travailler. Alors ça, oui. Ah, ah, taquet, lui. Alors, alors, bien, ça, oui. Oh, un vrai oui, ça. Vous êtes à un point du label Coé. Vous êtes à un point de l'avoir. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Avez-vous des bombes dans les toilettes? Notamment pour assurer l'hygiène en fin de journée. Vous savez les bombes qui sentent bon? Non, du tout. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Les toilettes qui puent. Ouais. Ah, vous étiez à ça de l'avoir, le label Coé Calibre. Ah, quand... ah non, ça fait pas trois. Ah non, parce qu'il faut toujours que ça sente la lavande. La rose. La rose. La rose. La lavande. Un lycée qui a le label Coé Qualité, on rentre dans les toilettes même à 18h. Ça sent la lavande. Vous voyez, on mangerait un quick dedans. Vous voyez, on a des trucs automatiques maintenant quand mais tu oui, rentres. Mais oui, oui. Est-ce que vous avez peut-être un distributeur automatique? Vous avez peut-être un pfff qui balance du parfum? Ah non, parce que dans les chiottes de lycée, c'est un pfff. Ouais. Il en faut beaucoup. Tant pis. Pas de budget, pas de budget dans le lycée. Ouais. Ah, ouais. Vous êtes passé à pas grand chose, le lycée Paul Guérin. C'est dommage parce que vous étiez sympa. Vous étiez sympa par la personne qui a pris le téléphone sauvagement tout à l'heure. Mais qui prend pas de décision. Voilà. Bon, bah, scolaire. On vous embrasse. Bonne journée à vous, bonne soirée. Bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Ils sont très sympas quand même, ils sont sympas, ils sont sympas. Hey, Mathis. Oui. Dommage, dommage, mon pas loin. Label, hein. Déjà que vous êtes 10e sur 11 au niveau départemental, vous n'avez pas le label Coé. Il y a le lycée Ribéry derrière vous. Presque devant. Avec le collège Michel Platini. Faites gaffe, hein. Allez, je t'embrasse, à bientôt. Attends, Coco. Oui. Est-ce que je peux avoir une photo dédicacée, s'il te plaît? On te le fait, on te le fait, on te le fait, on te l'envoie à la maison. Gros bisous, mon pote, je t'embrasse. Voici Maître Gim sur Énergie. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide t'a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux, pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigadier Sabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus de Nîmes, Aziz, la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du les gens. Viens l'ennemi, viens l'ami, on n'est pas dans la merde.

Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine et promotion en cours. Voir conditions sur conforama.fr. Cette semaine, Télérama fête la rentrée culturelle. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction. En couverture, Marion Cotillard, star de l'automne cinéma. Mais il n'y a pas qu'elle. Dans nos pages, tous les artistes et hommes et femmes de médias grâce auxquels la rentrée culturelle s'annonce vraiment excitante. Télérama, chaque mercredi chez votre marchand de journaux. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Chez Leclerc, au rayon frais, le filet de limande meunière. Du 7 au 9 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le filet de limande du Nord meunière, embarqué de 200 grammes, élaboré en France, à 1,99€, soit 9,95€ le kilo. Du filet de limande comme ça, à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Pourquoi t'as choisi le forfait mobile free? J'ai la 4G, ça charge méga vite. Et maintenant, jusqu'à 50 gigas d'internet par mois. Et bien sûr, les appels, SMS et MMS en illimité. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, 4G sous réserve de couverture. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Petit message Peugeot en forme de QCM. Sachant que Pierre roule tous les jours avec sa Peugeot et qu'il freine aussi souvent que la prudence, les stops et les feux rouges l'exigent, quand devra-t-il penser à faire vérifier ses plaquettes de frein? Réponse A, tout de suite. Réponse B, maintenant. Réponse C, immédiatement. Je vous laisse réfléchir. En ce moment, chez Peugeot, profitez de 30% de remise sur les disques et plaquettes de frein. Voir conditions sur apv.peugeot.fr. Julie, Pietre et Guillette, oui. Ça va mon Guillette? Yes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, allez-y, allez voir la vidéo de... Parce que ça me fait rire. De Sacha. Hier, Loris devait partir chasser des gens dans la rue comme des Pokémon. Ouais. Donc il avait pris une épuisette et il devait les chasser avec cette épuisette d'approximativement 25 cm de circonférence. Pour chasser les fourmis en fait. Il n'y a rien qui rentre. Donc, hier je l'ai engueulé, je lui ai dit t'iras faire ta vidéo demain matin, mais tu me trouves une grande épuisette. Je voudrais donc maintenant vous montrer. Il s'est rattrapé. L'épuisette que le mec est allé me chercher, c'est-à-dire qu'elle ne rentrait, elle ne rentrait même plus dans la bagnole. C'est une épuisette de chalutier mon gars avec ça. Ah ouais, grave. C'est ça, ouais. C'est un truc de dingue. Et on donc, rentre à combien dedans? A-t-il... Oh, je lui dis tout de suite. Toi, je sais pas, on connaît pas assez. Mais par contre, vous irez faire un truc, c'est que vous irez mater la vidéo sur notre chaîne YouTube Coé officielle et vous verrez comment allez ça se passe. Facebook, ouais. A-t-il réussi à choper des gens? A-t-il réussi? Vous verrez ça. Oui. Allez faire un tour sur notre Facebook Coé officielle ou sur YouTube et on n'en parle plus. Attention, Sarah, 17 ans. Ça va, Sarah? Oui. Oui, ça va, et toi? Oui, t'es en forme, tu nous as écrit un long mail. Je vais lire ton mail et on va en parler dans un instant, ma chérie, d'accord? D'accord. Il est long, hein? Oui. On y va. Je m'appelle Sarah, j'ai 17 ans. Depuis toute petite, je suis extrêmement mal dans ma peau et j'ai vraiment du mal à m'assumer dans la vie de tous les jours. De la quatrième jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu une année où au lycée ou bien collège, ça s'est bien passé. En quatrième, plusieurs filles m'ont fait une sale réputation dans le collège. Mais j'ai vite changé de collège pour intégrer une troisième préparation professionnelle car j'en pouvais plus. Enfin bon, je suis rentré en troisième dans l'optique de devenir pâtissière dans les grands restaurants. Mais bien sûr, une fille se faisant passer pour quelqu'un de suicidaire est apparue dans ma vie. J'ai donc voulu l'aider, mais celle-ci m'a affiché devant la classe en disant que je n'étais jamais là pour elle et qu'elle s'est moquée de moi, donc j'ai continué mon année tristement, mais blablabla. Toi, tu m'as l'air un tout petit peu caliméro et j'ai l'impression que t'attires tous les cassos du monde. Un petit peu, ouais, l'impression, ouais. On va en parler dans un instant, ma belle, parce que tu me dis que maintenant d'accord. L'histoire continue, je me fais insulter ah ouais. Pute de salope mais non. Devant tout le monde. Encore aujourd'hui, ça? Oui. Ah, tu nous expliques ça dans un instant, ma chérie. Ne bouge surtout pas, bouge pas. Qu'est-ce qu'on écoute? Elpi. J'adore. Bientôt, ce sera notre invitée, Elpi. La semaine prochaine. Elle s'appelle comment? Laura Pugini, je sais pas quoi. Non, c'est pas Laura Pugini. Non, mais c'est un nom comme ça, c'est une italienne. Ouais, ça ressemble à ça. Ah, c'est un nom comme ça. J'adore cette chanson. On est mercredi sur Énergie. When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? imaginations, understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smile. Ah, il a gardé les mêmes ? Ouais, les mêmes. Oh, les mêmes. Mais qu'il est con. Ouais, je sais. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Ah, qu'il est con, qu'il est con, qu'il est con. Choisi. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme et que vous passez une belle soirée avec nous. Hashtag Koé saison 7. Ça va, Sarah ? Oui. Bon, Sarah, allez, harcèlement qui continue depuis la 4e. T'es en quelle classe maintenant ? Là, je suis en deuxième année CAP. Et en deuxième année de CAP, on te traite de pute et de salope et de machin comme ça, c'est ça ? T'as quel âge en deuxième année de CAP ? C'est ça. 17 ans ? J'ai 17 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de jalousie parce que t'es une jolie fille ? Excuse-moi, mais j'ai un peu la photo de la demoiselle. Et est-ce que le fait... Bah, excuse-moi, j'ai regardé une photo d'elle plein pied. C'est une jolie nana, hein ? Est-ce que tu tomberais pas sur deux nanas un peu moches qui auraient décidé de te traiter de pute pour te faire du mal parce que t'es un peu plus jolie qu'elle ? Un groupe de jalouses ? Bah, je pense pas. Enfin, moi, je me trouve pas jolie, donc... Si, tu l'es. Mais c'est surtout pourquoi elle te traite de... Si t'étais pas jolie, je t'aurais dit, t'es pas jolie. Mais t'es jolie. Après, c'est subjectif. Oui, bah elle est jolie. Non, oui, c'est jolie, subjectif. Oui. Mais il y a des fois, des nanas moches sont moches. Mais pourquoi elle te traite de pute ? Bah, en fait, ça a commencé du fait que je parle plus avec deux filles de la classe, mais en fait, elles ont rien à voir dans l'histoire. Et, je suis arrivée, en fait, le premier jour à la rentrée. Mmh. Et elles m'ont déjà regardé très très très mal. Et quand on a pris la photo de classe, j'ai entendu en fait en me fixant sale pute. Donc en fait le premier réflexe que j'ai eu, c'est de bloquer sur les réseaux sociaux parce que ça peut partir très loin en fait. Mais surtout ce que je comprends pas, c'est que quand t'as une nana qui te dit sale pute, tu dis rien, tu laisses passer comme ça. Bah je laisse passer parce que du fait de répondre, en fait, ça résout à rien. Parce mais que pas du tout. Gueule. Mais pas du tout. Le but du jeu, c'est pas de les insulter. Le but du jeu, c'est de lui dire devant tout le monde, c'est toi qui as dit ça ? Pourquoi tu l'as dit ? Tu sais ce que ça veut dire ? Ah bah après, elles vont s'embrouiller, elles vont taper. Excusez-moi, les amis. Excusez-moi, quelqu'un qui te dit sale pute, tu vas lui dire pourquoi tu as dit ça ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Bah parce que t'es une pute. Mais pourquoi je suis une pute ? J'ai fait l'amour avec qui ? Je suis une pute de quoi ? Ouais, ça c'est la bonne. T'as 17 ans ma chérie, ouais. T'as plus 13 ans. Ouais, mais... Quand t'as 13 ans, tu dis rien à la limite. Mais quand t'as 17 ans, justement, les mots ils sont là pour éviter de se battre. Ouais, mais si quand t'es toute seule et qu'en face elles sont un groupe de 5, c'est facile à dire. Elle va pas se faire défoncer par les 5 personnes parce qu'elle demande une explication sur cette fait insulter de pute. Surtout devant tout le monde pour le coup, s'il y a toute la classe. C'est l'autre qui aura l'air con en disant bah parce que mais on ne traite pas une fille. Si elle, tu la prends, prends les autres à partie. Tu dis mais si elle, tu l'as traitée de pute, tu penses qu'elle dirait quoi ? Pourquoi pute ? L'autre elle va se sentir trop mal. Parce qu'à la limite, t'es moche, t'es machin. Bon, ça, à la limite. Mais pute. Après, j'ai essayé de m'expliquer avec elle. Enfin, voilà, quoi. Je me suis mis en face d'elle et on a essayé de s'expliquer. Mais elle s'approche de moi, elle veut me frapper, etc. Moi, je bouge pas parce que, enfin, Enfin, voilà. Et puis, bah, après. Mais mes résultats, ma chérie, elle te frappe pas? Non, non, non. Bah alors, elle tu vois bien que, tu vois bien que c'est que. Elle se met contre moi, en fait, elle me menace en quelque sorte. Mais elle le fait pas, tu vois bien que c'est que du flan. Parce qu'elle sait qu'elle aura des emmerdes si elle le fait, tu vois bien qu'elle le fait pas. Tu vois bien que devant les copines, quand elle te dit, hé, sale pute, et qu'elle se met comme ça devant toi, elle te fait rien d'autre. Si elle avait dû te frapper, elle t'aurait frappé déjà. Mais oui. Elle veut faire sa chef. Tu sais, souvent, les chiens, quand ils veulent mordre, ils mordent. Et s'ils restent longtemps à aboyer devant, les petites merdes, là, c'est quand ça aboie longtemps, c'est que ça va pas mordre. Souvent, un chien, il veut te becter, il te becte. Donc là, c'est un peu pareil. Si elle avait voulu te frapper, elle t'aurait frappé vite. C'est elle, la meuf en place dans le bahut ou pas? Oh. Non, mais tu sais, il y a toujours des meufs en place. Mais c'est tocard, des meufs en place. Mais si, il y a toujours ça dans une classe. Mais déjà, ta classe, c'est quoi? C'est un CAP. Pardon, c'est un CAP de quoi? Esthétique. Ouais, donc il y a que des gonzesses, que des jalouses, que des filles. C'est dur entre elles. Et alors, ça, les classes de filles. Et rien que des filles dans un bureau. Hein. Ah oui. Excusez-moi, hein, je sais, c'est pas, n'y voyez pas de la misogynie quand je dis ça. Ouais. Hein, mais moi, j'ai bossé avec des groupes de mecs. J'ai jamais un problème. Tu bosses avec des groupes de filles. Bah, ya là, là, là, là, là. Ça, tu crois que ça va bien et ensuite, c'est ouais, machine, c'est une salope. C'est parce qu'elle a dit, c'est parce qu'elle a fait. Ouais, j'ai entendu. Les bureaux de filles, il y a rien de pire. Moi, en BTS, on était trois mecs dans la classe et que des meufs. C'était horrible. Moi, j'ai eu ça à la prod. À un moment donné, beaucoup de filles dans mes bureaux. Oh, ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur. Sérieux, ça a été l'horreur. C'est que des histoires. Ouais, mais dans ce milieu, de toute façon, les nanas. Non, mais c'est pas que dans ce milieu, c'est partout. Tu mets plein de filles dans des bureaux. S'il n'y a pas de mecs, il y a machin, elles sont toutes ensemble. À un moment, ça part en clash. À un moment, ça se passe mal. Ah, c'est les nanas. C'est comme ça. Surtout un peu jeunes. Parce que quand elles sont plus vieilles, elles ont tout ça, ça se calme un peu. C'est ça, c'est ça. Mais il y a un moment, il y a une espèce de petite rivalité là entre filles et. Là, c'est encore pire quand tu mets un mec au milieu. Hein. Alors là, oui, la jalousie, là, c'est la guerre, quoi. Sauf s'il est très moche, ça reste très bien. Ouais, et là, elles sont toutes d'accord, il est moche, hein. Oui, il est moche, hein. Je t'aime, Cyril. Non, mais je pense que tu lui donnes trop d'importance, j'ai l'impression que t'es trop dans les Mais qu'est-ce qu'elle peut faire du coup pour Ouais, parce que même si elle la tape pas, faut qu'elle sorte de ce truc-là. L'autre, non, mais c'est une casse-couille. T'as 17 ans, ma belle, tu peux plus être dans les. Il y a une fille parce qu'elle m'a dit que je lui parlais plus, que machin. Ça, c'est quand t'as 14 balais. Oui, mais si elle est quand toute t'en as 17. Hein. T'as pas de copine du tout? T'as pas de copain? Oui, j'ai trois copines dans la classe, et le problème c'est qu'en fait les filles qui m'insultent se sont mis contre elles aussi en fait. Mais arrêtez avec ça, c'est ridicule. Les filles qui m'insultent se sont mis contre elles aussi. Bon bah alors. Eh ben c'est très bien ça. Elles sont avec toi du coup. Oui, oui. Bah, franchement, c'est ce qu'il a raison. Tu nous racontes des trucs, on a l'impression d'être en cinquième au collège. Ah, mais après, je peux la comprendre, ça doit la bouffer tous les jours, tu vois. Si elle a peur de la nana et qu'elle se fait insulter chaque jour, c'est énervant. C'est une école d'esthétique. Oui, oui. Ça va, c'est censé être de la douceur, de la joie, et je t'arrache les poils et je tamponne avec ma main et je te mets de la poudre. C'est ça, excuse-moi, c'est censé être je te fais une demi-jambe sans douleur. Ouais, et puis vous avez la même passion commune. Et là, on a l'impression que c'est un truc de. Qu'est-ce qu'il y a? On a l'impression que c'est un concours de chiens dans une cité. Viens là, je te fais le maillot, moi. Vas-y, je te pile, viens là que je te pile sans douleur. Allez, je te mets une petite pommade. Mais non, mais sans rire, excusez-moi. Et à un moment, c'est vrai, parce qu'en plus, c'est cool de parler entre filles de maquillage, d'esthétique. Moi, je pense ça, qu'il faut que tu le règles en prenant le reste de la classe à partie. C'est-à-dire que dès que t'entends à un moment donné un sale pute que tout le monde a entendu, tu dis bon, mais calme, tu t'énerves pas. Tu dis maintenant, ça suffit. Pourquoi tu dis sale pute à tout le monde? C'est quoi le souci? En fait, le problème, c'est que c'est. Enfin, pour moi, c'est un bébé parce que du fait que. J'ai 17 ans, elle a 15 ans, donc en fait, il y a déjà une certaine différence de mentalité. Mais justement, tu dois la regarder cool, tu dois te faire devant tout le monde. Mais ouais, tu la regardes cool, tu dis, mais pourquoi tu dis ça? Tu sais ce que ça veut dire, pute? En quoi je suis une pute? Avec qui j'ai couché? Vas-y, explique. Elle va se sentir l'air con. Il a raison. Elle va dire, bah, t'as couché avec. Et voilà, et c'est tout. Elle n'aura pas d'explication. Il faut le faire, mais à la cool. Pas énervé, pas machin, en prenant tout le monde à partie assez fort. Pourquoi tu dis ça? Tu vois, et là, elle va se trouver super l'air con. Et tu verras que de la feuille de la fille en place, ça peut te repasser à la fille la plus tu ridicule. Tu dis, calme-toi, Tony Montana, là. Et tu dis sinon, Koï, il vient à la sortie. Ouais. Et là, tu calmes que ça va être une autre chose, là. Elle te prend pas la tête avec ça, t'en verras plein des connasses sur ton lieu de travail, tu vois. Bah, ça, je sais, ouais. D'accord. Donc, ouais. Allez, je te fais un gros bisou. Moi aussi, je te fais un gros bisou, puis reste comme tu es. Et puis, tiens-nous au courant de comment ça se passe. D'accord. Ok. On lira le journal quand même pour voir si ça se passe mal. On sait jamais. On verra. Parce que peut-être que nos conseils n'ont pas marché du tout. On verra bagarre générale. Non. Bisous ma chérie. À bientôt. Vous avez un souci, un truc qui se passe mal, dites-le nous. Koé@energie.com. Ou allez sur notre Facebook. Laissez-nous un message comme cette demoiselle qui l'avait fait en allant dans les messages de Facebook. Comme quand on les lit, on prend vos numéros, on vous rappelle. Vous êtes dans l'émission. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Et c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Aujourd'hui, c'est quand même... À merci l'époque, Julie. C'était la mode et aujourd'hui, c'est vraiment de la merde. Bah, envoyez-nous si jamais vous en voyez passer. Mais alors, celle-là, c'est vrai qu'il y a une mode que les plus jeunes dans le public et ceux qui nous écoutent n'ont jamais connu ça. Les pins parlants, vous vous souvenez de ça ou pas? Non, les plus jeunes, vous ne connaissez pas. Ça se battait à l'époque pour avoir des pins parlants. Ça valait une fortune, hein, surtout. Hein. T'avais des trucs, t'appuyais dessus, tu faisais ah là là, ah là là, ah là. Ah, c'était le Thierry Roland celui-là. Thierry, oui. Ah, bah on le cherchait depuis tout à l'heure. Voilà, on cherchait ce qu'il disait. On cherchait ce qu'il disait, Thierry Roland. Mais, non, mais c'était un truc de malade. C'était que t'avais le pins parlant TF1, mais tu te rends pas compte. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus d'animateur sur TF1. Tu l'as eu, toi, ton pins parlant? Aujourd'hui, t'aurais qui? Faut botter dans le décor pangé. Faut botter dans le décor pangé. Le Nikos? Non, ils l'ont déjà réglé. Il y aurait Nikos. Ça va, le loup. Ça va, le loup. Ça va, les loups. C'est drôle. Non, mais c'est vrai qu'il reste d'autres. Jean-Pierre Pernaut, bien beau reportage. Voilà, c'est tout. Il y a Foucault ? Il n'est plus là, Foucault, c'est plus grand-chose. Colini ? Bah, qui veut gagner des millions ? Colini, elle n'est plus là, ils ont c'est votre dernier mot ? Ouais. C'est bienvenue à l'hôtel. Ah, il y a Reichmann. Ah oui, mais je sais pas. La question qui ouais, bon, c'était avant ça. Hein. Oui. 6 euros, la collection de pins parlant TF1. Écoutez-moi. 6 euros. Le mec met dans son annonce. Très recherché. Waouh. Wow. Très très recherché. Et surtout quand tu portes ça, je peux te dire que c'est très très beau. Je sais pas, j'en reconnais autant. Aucun, la photo, elle est dégueulasse. Il y a Philippe Risoli. C'est pas jeune ça. Il y a Jean-Pierre Foucault. Il y a pas Thierry Roland. On demande s'il y a Thierry Roland. Mais il doit y avoir. On va demander s'il y a Thierry. Je le veux, je veux le Thierry Roland. Si la personne avoue que c'est de la merde, on lui dira bah si c'est de la merde, on ne l'achète pas. Peut-être il nous prend la tête depuis tout à l'heure, il veut Thierry Roland. Tu veux que je demande Thierry Roland? C'est le plus cher, je crois. Demande Thierry Roland. Jean-Michel Larquet. Tout à fait, Thierry. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour les pins parlants. Oui, oui. C'est vous ? Oui, tout à fait. Parce que je suis, je sais pas si ma femme vous a dit, mais je suis collectionneur de pins. Oui. Voilà, j'en ai 7652. Oh, pardon, je n'ai pas autant que ça. Ah oui, oui. Non, mais moi, c'est pas, en fait, c'est une collection de mon père, il est décédé. Donc, oui. Voilà. Non, moi, je suis en pleine santé, moi, j'ai la pêche. Et donc, voilà, je vous appelle parce que j'ai tout. Hein. J'ai des pins d'Antenne 2 de l'époque, j'ai des pins du Tour de France, j'ai des pins j'ai des pins énergie, j'ai tous les pins, vous voyez, de tout. Mm-hmm. Et j'avais plus de pins parlant TF1. Oh. Ah, ben moi je les ai. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, ça, parce que vous savez qu'ils sont durs à trouver. Oh. Ah bon? Oh là là, est-ce que vous avez le pin, ce Thierry Roland? Alors, attendez, bon, je mets pas mes lunettes. Alors, qu'est-ce que j'ai? Philippe Rizzoli. Oh, Philippe Rizzoli, il a juste pris. Oui, attendez, je dois l'avoir. Qu'est-ce que j'ai? Attendez, Thierry Laurent. Ah oui, Michel Larquet. Jean-Michel Larquet, oui. Oui, tout à fait, Thierry. Oh là là, j'adore. Gilles Lopétré. Ah, Gilles Lopétré, que des morts. Oui. Vous pouvez appuyer dessus qu'on les écoute? Je peux écouter ou pas? Bah, je sais pas si on va entendre. Ah, si, il y avait des piles résistantes à l'époque. C'est Gilles Lopétré. Il ne fait pas bon. Vent, pluie, nuage et brune. Mais qu'est-ce que ça peut faire? TF1 fait chaud. Oh, bon vent à vous. Oh, j'ai une émission. Oh là là, ça me fait plaisir. Le Thierry Roland, je peux l'écouter ou pas? Attendez. Oh. Moi, je sais pas comment ça marche, ce matin-là. Oh là là. C'est vraiment un scandale, Jean-Mimi, qu'on n'y soit pas. Tout à fait, Thierry. D'autant que moi, tu sais, il joue si faux. Il serait avec les Belges. Tout à fait, Thierry. Et moi, 20 fois au Mambic, j'y serai aussi. Oh, avec le Cameroun. Tout à fait, Thierry. Les piles, elles sont résistantes, hein, parce que ça fait quand même. Ça fait longtemps, hein. Oui, mais on s'en est jamais servi. Ah, oh, bah, c'est ça qui est incroyable, hein, c'est des bonnes piles quand même, hein. Ça, c'est. Et donc, vous avez le juste prix? Je peux écouter le juste prix? Alors, attendez, le juste prix. Attendez, parce que j'ai pas vu. Alors, je regarde, mais j'ai pas de lunettes, c'est compliqué. Là, c'est Philippe Rizzoli, le juste prix. Ah, Rizzoli. Alors, attends, où il est celui-là? C'était dans les mains tout à l'heure, Isolé. Mais oui, vous l'avez dit. Bonjour, là, j'ai pas les lunettes, donc c'est un peu compliqué pour moi. Bonjour, c'est Philippe Rizzoli. Voilà, c'est ça. Je cherche. Bonjour à tous, c'est Philippe Rizzoli. On s'amuse bien sur TF1. Au revoir, à bientôt les amours. Oh, voilà. C'est marrant, il est un peu en perte de vitesse. Il est un peu... Et vous avez quoi d'autre? Alors, Gilles Lopétré, on a écouté, Thierry Roland, et quoi d'autre? C'est quoi de ça? On est mort. Sophie Favier. Oh là, Sophie Favier. Vous l'avez? Oui. On peut l'écouter? Attendez, j'essaie de faire marcher. Celui-là, il marche plus bien. Elle est en train de faire autre chose, alors, là. Ils ont enregistré au mauvais moment. Ah non, non, c'est exprès. Ouais, lui, il a fait un coup. Il y en a un autre, le même. J'en ai plusieurs, ils sont en double, en triple. Ah ouais. C'est un autre. C'est moi, Sophie Favier. Portez-moi sur votre cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous embrasse. C'est voilà. Quand même ringard. Ça, il fonctionne. Oh là là, c'est génial. Écoutez, bah, ça me fait très plaisir. Combien l'ensemble? 30 euros. Bah oui, 1, ça les vaut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, il y en a un qui ne marche pas. Celui-là, il ne marche pas. Mais les autres, ils fonctionnent. Si vous c'est génial. Ah, c'est génial. Je suis rempli d'émotions. Là. Alors là, c'est génial. C'est bien. Ouais, parce que mon fils, vous savez, en plus, il est fan des... Alors lui, le problème, c'est qu'il est fan des... Il est plus Justin Bieber, lui. Ah, mais ça, j'ai pas. Vous avez pas? Ah oui, alors si. Non, parce que les trucs récents, j'ai pas. Tout ce qui est récent, naturellement, j'ai pas. Parce que c'est mon père qui avait gardé tout ça. Ah oui, mais alors s'il est fan de Justin Bieber et que je lui offre un pins Thierry Roland, il va trouver que c'est de la ça merde. Ça va pas le faire, hein. Il va trouver que c'est de la merde. Ah, oui, il y a un problème. Alors, madame, si c'est de la merde, on vous l'achète pas! Au revoir, madame, à bientôt, bon courage. Restez avec nous sur Énergie, sur que tout va bien. Ah, putain. Qu'est-ce qu'on écoute? Alvaro Soler, c'est bon. J'espère que tout va de votre côté. On dirait un mec qui installe des plaques sur le toit, tu sais. Bienvenue, je m'appelle Alvaro Soler. Grâce à moi, vous aurez l'électricité toute l'année, gratuit. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, Mira, soy

Il a un appareil photo double capteur et alors là, c'est là où il vous nique bien. Alors vas-y, moi je sais. C'est là où il vous et là, c'est là où Apple ils sont super. Ils sont forts là-dessus. Ils te la mettent, ils te la mettent puis un peu profond à chaque fois, ils appuient un peu plus, tu vois. C'est forcément. Dès que par exemple, t'achètes le nouveau MacBook Pro, je sais parce que je me suis fait avoir. Le nouveau MacBook Pro, tu n'as plus de clé USB. Comment ça? Eh non, mais c'est sur fini. Le R, t'en as déjà pas. Tu n'as plus de clé USB, c'est-à-dire que c'est une prise dans laquelle tout passe. Donc tu es obligé d'acheter un adaptateur chez eux. Ouais. Et dans cet adaptateur, tu as cette fois-ci la possibilité de mettre des clés USB. Mais tu ne peux plus d'origine avoir les trous pour les clés USB. C'est comme dans les iPhones, les cartes mémoire, tu peux pas, tu peux pas les changer. Là où maintenant ils niquent tout le monde, c'est que dans le nouvel iPhone 7, plus de prise jack. Ouais, pour la prise pour le casque. Vous le voyez votre casque là, que vous avez demandé à vos parents de vous offrir pour Noël. Comment Bluetooth. Tu fais? Pas dans ton cul. T'achètes les oreilles Bluetooth, les oreillettes Bluetooth. C'est-à-dire que c'est pratique les oreillettes Bluetooth. Oui, mais c'est pratique, mais quand t'as demandé à tes parents pendant des mois de t'offrir un casque et que t'as eu le casque que tu voulais. En même temps, si tu t'achètes l'iPhone 7, tu peux t'acheter les oreillettes Bluetooth au prix de l'iPhone 7. C'est pas le problème. C'est pas le problème, Julie. Tu peux avoir envie d'un iPhone 7 et tu peux kiffer ton casque que t'as sans avoir à te dire j'ai pas envie de changer mon casque. Si tu veux le brancher à une chaîne, par exemple, une chaîne Wi-Fi avec ton jack. C'est fini. Tous les trucs que vous avez achetés où il y avait une prise de jack, les autoradios, il y avait des autoradios qui étaient sortis de jack, il y a plein de trucs comme ça. C'est mort. Et on peut pas le brancher du tout, c'est tout en Bluetooth. Et alors attends, je crois les adaptateurs ou je sais pas quoi, et ou les casques qui vont avec. Les oreillettes qui te vendent, je crois que c'est deux petits trucs. Ouais. Que tu autant te dire que tu vas perdre au bout d'une semaine et que tu devras aller racheter chez eux. Ouais. Oh là là. Ah, ils sont forts, hein. Non, mais c'est un truc, mais c'est un truc de ouf. Mais moi, je trouve ça. Enfin, pardon, hein. J'adore ce que font Apple. Là, je suis pas contre. Il y a des gens, ils sont contre par principe. C'est très fort ce qu'ils font. Mais il y a juste, c'est pas possible. Et à chaque fois, qu'il y a un modèle, oui, mais ça, on a géré. Et à chaque fois, derrière, ils te la remettent profond. Et donc, tu vas être obligé d'acheter, de passer par chez eux pour acheter le nouveau casque Beats by Dre, parce qu'ils ont fait un contrat avec Beats by Dre, avec la bonne prise. Ah, carrément. Et surtout, je sais pas, il y en a jusqu'à 1200 ou 1300 euros le truc. Mais c'est le téléphone. Le plus, le gros. Bon, attendez, il est calculé. Mais le gros, il est plus gros que l'autre? Je ne crois pas. Je sais pas, mais il est à 1300 balles. Je vais m'en acheter un, moi. Hein, oh. je vais le prendre, j'en achète un, moi. Maintenant? Ouais, mais tu peux pas attendre? Non. Bienvenue chez CTLM. Pour réaliser un nouveau projet, pour obtenir un financement sur votre crédit. Je vais acheter un iPhone 7 sur 20 ans. Il va falloir, Où en est votre demande de crédit? Tapez 3. Je voulais acheter une maison plutôt qu'on le fait. Je vais acheter un iPhone 7. Tapez 4. Un iPhone 7 sur 20 ans, s'il vous plaît. Anthony, comment ça va, mon pote? Ouais, salut Koé, salut tout le monde. Salut, tout va bien, Anthony? Ben moi ça va. Voici les 5 phrases. Je suis un peu stressé. Hein. Ah non, ne sois pas stressé, on est des amis. Ouais, on est comme ta famille. Temps, tu vois, la famille de voyageurs un peu et tout, donc c'est un peu tendu. Famille de voyageurs. C'est joli comme expression. Donc, papa s'appelle Jean, il a 49 ans, c'est lui que tu vas piéger. Ouais, c'est lui, ouais. Les sujets sensibles, il paraît que t'as galéré à trouver du taf, ça l'énerve. Ouais. Il paraît que t'as toujours été un branleur, ça le rend fou. Ton père déteste ce qui touche à la délinquance et au petit trafic. Ouais. Et il paraît que ton père, il a eu mal au dos, il s'est arrêté de travailler, il déteste qu'on le traite de branleur. Ouais. D'accord, tu peux te mettre à un endroit où il n'y a pas une tempête, si c'est possible? De quoi? J'essaye. T'es dans quelle région de France? Je suis en région parisienne. Ah oui, c'est la mer, c'est la mer. Il y a autant de vent. La mer du Nord. Tempête. Il est à Poissy, le phare de Poissy, ça. Il souffle. Hein. Bon, voici les 5 phrases que tu vas dire à ton père. Je me suis fait virer du taf parce que je fumais du shit. J'ai insulté le patron et j'ai claqué la porte. Faudra que tu me trouves un autre boulot. Mais si je peux glander à la maison, ça me va. Hein? Toi aussi, t'es un gros branleur. T'es resté des mois à rien foutre. Ouais, la tempête est de retour. On en parle dans un instant après Kungs, mon pote. Ne bouge surtout pas, d'accord? On s'occupera de papa. Il s'appelle Jean. C'est mon deuxième. J'espère qu'il s'énerve, Jean. C'est mon deuxième prénom. Ah bon? Oui. Maurice Jean. Bah, tiens, Maurice Jean. Oui. Vous allez le dire combien de fois? Oui, c'est vrai. Chaque fois que je dis c'est mon deuxième prénom, il fait ah bon? Elle est magnifique, je n'ai pas de mémoire. Je suis Dory. C'est vrai que je m'appelle Jean. Ah bon? Qui flippe de la réaction de son père. Ça va aller, Anthony? Ça va aller, poto? Ouais, ouais, ça va, ouais. Bah, si, en fait, mais non, bon. Non, arrête. Hey, faut pas que t'aies peur, d'accord? On pourrait être qui après pour énerver ton père? Qui on pourrait être? Moi, je sais pas, par rapport aux questions que vous m'avez données, là, un pote, celui qui vend du shit avec moi, ouais, ou celui qui m'a fourni le shit, ça serait pire. Des dealers, quoi. Ouais, les dealers. D'accord, d'accord. Et je m'appelle Kiki, ok? Je m'appelle Kiki. Ok, je suis Kiki. Ok. Je suis Kiki, je bosse avec toi. Okay. Allez, on y va, c'est parti. Ouais. On appelle ton père. C'est toi qui te débrouilles. À la fin, je suis là. Mais à la fin. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il a gagné? Une PS4. C'est une PS4. On dirait qu'elle fait atterrir un avion. Mesdames, messieurs. Ah oui. Ouais, papa. Ouais. Numéro privé, c'est quoi? De quoi? Non, c'est moi. Oh. Oui, non, mais c'est parce que j'ai changé de téléphone. Mais faut que je t'explique un truc. Là. Tu m'entends bien ou pas? Vas-y, dis-moi. Ouais, dis-moi. T'es tout ouais. seul et tout. Ouais, je te dérange pas. Oui, vas-y. Ouais, bah en fait voilà, faut que j'explique un truc, je me suis fait virer du taf parce que je me suis fait choper en train de fumer un jour en train de fumer du shit. Tu t'es parti du taf parce que. Ouais. Non, je me suis fait virer. Je me suis fait virer. Du boulot. Ah bravo. Bravo. Ouais, voilà, je viens de me faire. Non, bravo. Hier, mais voilà, je savais pas comment te le dire, donc faut bien que je te le dise un jour. Elle est belle l'affaire. Elle est belle l'affaire. Donc voilà, fallait que je te le dise, donc voilà. Je me suis fait virer, et puis en plus, voilà, j'ai insulté le patron, et puis j'ai claqué la porte, parce que je lui dis c'est bon. De quoi? Je vais être pris pour qui maintenant, moi, là-bas? C'est moi qui t'ai fait rentrer dans cette boîte, mon gars. De quoi? J'ai pas compris. C'est moi qui t'ai fait rentrer dans cette boîte-là. Oui, je sais, oui. Mais tu veux que je fasse quoi? Voilà, je me suis fait, virer. Et je lui ai dit, c'est bon, c'est qu'un joint, voilà, casse pas les couilles, et puis c'est tout, quoi. Ah, casse pas les couilles. Voilà. Bravo. Et puis, ta mère, dis quoi, ta mère? Eh ben, en fait, je ne l'ai pas dit encore. Tu lui annonceras. Je ne vais pas lui annoncer, moi. Tu lui annonceras. Non, ben si, tu peux lui dire. Tu l'appelles, voilà, tu lui dis. Ouais, bien sûr, je peux le dire. Appelle-moi standard. De toute façon, ouais. Et puis, voilà, de toute façon, il faudra que tu me trouves un autre boulot, hein, maintenant. Ouais, je vais faire ça, moi. Ouais, parce qu'il veut plus de dur. Donc, soit tu le rappelles, soit tu me trouves un autre boulot, et puis voilà. Ah, mais non. Tu vas rentrer à la maison, là. Tu vas venir manger à la maison, soit on va t'expliquer. Non, hein? Tu vas venir, je vais te faire un repas, tu vas voir. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est quoi là? J'avais aussi un autre truc à t'annoncer, voilà, c'est que je vends aussi un peu, puis je gagnerai beaucoup plus à vendre. Moi, tu vois, mais voilà, j'ai si pas je peux rester à la maison. J'ai pas compris. Vas-y, répète-moi. Je disais, je vends aussi un petit peu. Je vais vendre aussi un petit peu. J'ai un collègue, j'ai un collègue que j'ai croisé, voilà, et tout. Enfin bon, tu le connais pas, cherche pas. Et il m'a dit, si tu veux vendre et tout, ça peut me ramener jusqu'à 5000 euros par semaine. Mais j'en ai rien à foutre de ça. Tu touches pas cette merde, mon gars. Ouais. Tu touches pas ça. Non, mais t'es pas bien. T'es pas bien dans ta tête. C'est une blague. Bah non, c'est pas une blague. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est que ça me fait chier d'aller bosser. Tu sais très bien. Tu m'as trouvé ce boulot. Tu m'as dit ça va bien. Non, mais du boulot, je t'en retrouve plus, tu vas te démerder, mon gars. Puis tu vas payer ton appart. Je t'ai dit, bah tant pis, c'est pas grave, tu vas pas me retrouver du boulot. Moi, je t'ai dit, je vends du shit. J'ai un collègue avec moi, là. Il m'a dit que je pouvais vendre et tout, et voilà. Oui. Mon appart, et où ton collègue, là pouvoir changer. Mais tu sais, non, mais il est pas là. Voilà. Oh, ouais. Attends, non, tu l'attrapes, tu sais. Non, j'ai dit, tu le connais pas, voilà. Moi, toi, je pourrais rester à la maison, je pourrais rester à la maison à glander, moi, ça me va bien. Oui, bien sûr, ça te va bien, oui. Tu vas glander, toi. Tu vas retourner au boulot, mon gars. Je vais t'en trouver du boulot. Ouais, mais bon, pas possible, mais n'importe quoi. C'est le jour aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que il y a le médecin, il m'a dit que fallait que je reprenne lundi, c'est pour ça. Ouais, mais de toute façon, il est encore mal au dos, ça me fait chier, putain. Mais ça fait ça toi aussi. Mais pourquoi? Tu sais quoi? Tu viens avec moi, tu vends, je t'ai toujours dit de faire un peu de business ou quoi que ce soit et tout, t'as rapporté. Je te l'ai toujours dit, bien sûr. Toi, t'es un branleur. De toute façon, t'es un branleur, t'es resté des mois rien foutre. Moi, je suis un branleur, mon gars. Depuis 17 ans, je bosse. Ouais, mais t'es un branleur. Ah, je suis un branleur. Enfin, mais viens à la maison, tu sais, viens à la maison, on va manger tous les deux. Ah, je vais te démonter la tête, mon gars. Mais ah, mon fils. Non, mais. Je vais te démonter la tête sur mes morts. Il n'y a pas besoin de t'énerver. Voilà. Pas besoin de m'énerver. On va pas se faire. Tu vois, il n'y a pas besoin, on fait ça tranquille ou quoi que ce soit. Tu sais pas, tu viens avec ton copain aussi. Tu viens avec ton copain. Je ferai à manger pour trois. Ouais. Et tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il dit ton vieux? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qu'il dit ton vieux? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Non mais papa, pourri, papa va, c'est oh, je connais l'oiseau là. Tu le connais pas. C'est Kiki ou... Bon écoute, okay. Écoute mon fils. Là je vais raccrocher, ça commence. Quoi? Ouais. Ah putain. Vous êtes où? Tu es où là? Tu es où? Dis-y qu'il a fermé. De quoi? Dans ton cul. Oh là là. Bravo. Tu te crois? Dis donc piston, tu te crois intéressant devant ton pote là? Rentre à la maison ce soir. Dans sa gueule, direct, tu l'as mis. Direct. Ah lui. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais quoi? Tu viens et on en parle. De toute manière, voilà, tu fais pas le poids. Ah, mais il n'y a pas de souci, on va en parler, mon ami. On va en parler. Vas-y, je fais de la muscu. Le bouffeur de lézard, là. Écoute-toi, le bouffeur. Tu fais de la muscu. T'es un Lopez, moi, je perds de rien. Ouais, t'es un Lopez. Viens voir. Vas-y, je peur d'un. Vas-y, je fais de la musique. Oui, viens mon copain. Vas-y, je m'en rien à foutre, moi. Rien à foutre. Tu vas voir. Moi, je mange des cailloux. Tu fais quoi, toi? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je mange des cailloux. Tu fais quoi, toi? Ah, tu manges des cailloux, toi. Tu manges des cailloux. Moi, je vais manger tes morts, moi. Vas-y, c'est ça. Mange tes morts, toi-même. Mange tes morts. Non, celui-là, il a pas de la gueule. Croque tes os, toi. Vas-y, tais-toi, repasse-moi mon fils. J'ai pas envie. Vas-y, ferme ta gueule. Toi, ferme-toi. Anthony, là. Toi, non, il parle plus. Ferme ta mouille. Non, toi, ferme la tienne à toi. Ouais. Allez, vas-y, passe-moi mon fils. Non, j'ai pas envie. Va vendre ta merde là plus loin et puis je fais pas chier le monde. Vas-y, dégage. Elle est belle la vie. Tu vas ressembler à ça, ton fils. Tu vas ressembler à ça, toi. Tu vas appeler ta mère et tu vas lui dire aussi, elle va être heureuse comme tout. Tais-toi donc. Allez. Toi là, c'est tout ce que t'as d'autre à faire, toi. Non, je fais des émissions aussi. Sors-toi les doigts du cul, bosser comme tout le monde. Ils étaient déjà sortis. C'est-à-dire que je fais pas les émissions avec dedans, parce que sinon ça capte pas bien. Ouais. Enfin, Allez, ferme-le. Ah bon. Bon, écoute, je vais raccrocher. Là, non, faut pas. Calme. Il s'énerve, lui aussi. Alors, s'il s'énerve, vous, pas de cadeau, excusez-moi. Ça vaut pas une PS4. On a eu deux ou trois belles expressions. Il y a eu des tensions. Croque tes os. De quoi? Ton père, fallait nous dire qu'il parlait avec d'autres tensions en parlant comme ferme ça. Ferme ta mouille, toi, ok? Non. Ferme ta mouille. Il parle pas par derrière. On sent que c'est du sérieux derrière. Mais sur le coup, là. Il s'énerve pas trop. Ah, Ah, il s'énerve pas, ça marche pas. Non, non, ça marche pas. Non, il m'a mis à bout. Mais non, à bout, je suis bonjour, il m'a mis à bout. Je suis comme un dingue. À l'intérieur, c'est une explosion atomique. Moi, je dis, on offre une PlayStation, mais une 2. Ouais. Ou que la manette. Avec Donkey Kong. FIFA 2002. Je m'appelle Koé, on est sur Énergie. Tout ce qu'on a fait, c'était une vanne. Il veut pas arrêter l'école, il a pas envie de glander, tout va bien pour l'instant, mais ça n'a pas marché, tu ne t'es pas énervé. Il va bosser rien. Jean, tu t'énerves avec deux tensions, Jean. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, papa. C'est une blague, papa, c'est une blague. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis tout blanc. Jean. Tu étais trop con. Je sais, Claude, il n'y a pas de souci. Jean n'a aucune émotion. Qu'il soit super heureux ou qu'il soit pas content. Mais écoute, ça va, pas plus que ça, quoi. Oh merde, j'ai gagné au loto. Ah, d'accord. Salut Jean. Elle vient de comprendre. À bientôt. Salut. Bon, on va pas de PS4. Ouais, non. Non, bah voilà. Vous êtes sévère. Moi, désolé. Ouais, une désolé. Carte OPS. Oh. Ah, c'est bien, y a pas le cadre. Une montre connectée, si. Ah, voilà, au moins. Un cadeau. Mais on a distribué des cadeaux. Mais on a eu des belles expressions et tout. Ferme ta bouille. Ferme ta bouille. What about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my work goes down. Fight like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Il nous faudra vite se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous aller dès qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Déboussole, dû au manque de sommeil. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Qui ne veut pas survivre en apnée? Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Tu ne veux pas survivre en apnée. Est-ce que vous savez que la pollution de l'air, c'est la cause de la troisième cause de mortalité en France? Ah bon? La pollution de l'air. La première, c'est quoi? Tabac, suivi de l'alcool, et ensuite, c'est la pollution. C'est ouf, sans déconner. Il faut qu'on change de ville, nous. Ouais. Mais c'est dingue. Et alors, à mon avis, à Paris, dans les grandes villes, je vous raconte pas. Ah ouais, c'est clair. Ouais, t'as tout cumulé, là. 50 000 décès chaque année. Oh, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est énorme. Ouais, j'ai vu un petit bobo hier, il traversait de Paris comme ça, avec son vélib et tout. Ouais. Et il prenait un petit spritz comme ça, la terrasse des cafés. Deux heures après, il était mort. La pollution. Tous. J'ai trop hâte de les voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien. Avec énergie, it's music only.

Et eh ben c'est il fourre le curé, c'est pas très joli mais oh, quand t'as tous les gamins déjà qui chantent ça. C'est ouais, en plus et on apprend ça à nos enfants quoi, c'est hallucinant. Alors, il y en a par exemple, on y va ou pas? Attends, t'en as Lolo? J'en ai. Vas-y, vas-y. À l'armée, le lieutenant veut défiler et le général m'engueule. Oh, c'est trop compliqué. Ouais, pour c'est moi. Trop long. À l'armée, le lieutenant veut dégueuler, le général m'enfile. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est les cours, c'est mieux. À force de mouiller les fiches, je suis arrivé au fond de la colle. À force de fouiller les miches. Fouiller les miches. Ouais, bon, c'est allé tomber. Micro, ouais. Ah, mais je crois que tu comprendras jamais ce concept d'allumer un micro. On y arrive jamais avec toi. À l'idée de voir la Chine, la jeune fille est envahie d'une étrange pâleur. Oh, mais c'est trop long. À l'idée de voir la Chine, engueule-moi aussi. Est envahie d'une immense chaleur. Voilà, tu veux que je fasse. Allez, achète que je ris. À pète que je ris. Non. Arrête que je chie. Arrête que je chie. Merci. Adélaïde, rue de la paix. Elle. Attends. Adélaïde, rue de la paix. Elle pue. Pue de l'arrêt. Elle pue de l'arrêt. Putain, je suis tellement mauvaise pour ça. On va laisser Julie et on va laisser réfléchir. Ah non, tu vas rester 3 heures. Admirez donc l'écaille de ses moules. Admirez donc l'écaille de ses moules. Allez, on y va. Laissez-la réfléchir. Ah non, mais je vais pas y arriver, non, les gars. C'est pas grave. Ah non, je t'as te pas jure, une petite musique de fond. Je peux rester 3 heures là. Attends, admirez, faut que je l'écrive. Admirez l'écaille. Admirez. Madame Julie, les lettres. Attends, admirez l'écaille. L'écaille, vas-y. Je sais pas. Ah, Julie, t'es sérieuse là? Admirez donc l'écaille de ses moules. Admirez les mailles de ses couilles. Les non. mailles de ses couilles, ça veut rien pas. Dire. Admirez donc l'écaille de ses moules. Admirez donc les couilles de les couilles de ses mâles. Ah, bah il y avait couilles. Ah, t'es vraiment, tu comprends rien. Ah là, non, en fait. Je suis très naze. Et je t'en fais une facile. Vas-y. Ah, que j'envie votre brasse. Ah, que j'envie votre brasse. Ah, que j'embrasse votre bite. Bon, bah, tu me diras où tu trouves bite dans la phrase d'avant. Mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Allez, elle est pas bonne du tout. Alors, ah, je suis trop mauvaise. Prune, comment ça va? Non, mais j'aime bien encore. Coucou les loulous, c'est Prune du 7-3. Salut ma chérie. Salut Prune. Elle est marrante, Julie. Elle perd à tout, mais elle trouve ça marrant. Mais c'est oui. génial, j'en trouve pas une. C'est rigolo. J'adore ce on jeu. On a le temps pour parler avec Prune ou c'est après? Après 21 Pilots. De quoi on parlera, Prune? On parlera de mes parents. Tu vas rigoler. Eh ben écoute, dis comme ça, j'ai hâte. Okay. J'ai envie que. Ratata représente. Ratata représente aussi. Un Pokémon. Eh ben, voilà, reste avec nous, tout va bien. 21 Pilot et juste après, ratata représente. A tout de suite. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. les autres radios ont su que Koé revenait pour une 7e saison sur Énergie, ils ont dit... Ah non, on est mal. Ah, on est mal. On est très mal. Koé, 19h-22h sur Énergie. Merci de nous avoir choisi. J'espère que tout va bien, on est sur Énergie. Il est temps d'avoir Prune, ça va Prune? Ouais, ça va et toi Koé? Ouais. Fatigante et bizarre. Hein. Non, elle est à fond, mais c'est bien. C'est bien, c'est bien. Prune, t'habites où déjà dans le 6-3, c'est ça? Dans le 7-3. Dans le 7-3. D'accord, dans le 7-3, la Savoie. Chambéry, tout ça. Vertigne. Savoie ou bien? Ouais, Savoie. Bon. J'adore Prune. Allez, allez, Prune, t'as des amis à l'école? Non. Oui, j'ai des amis à l'école, Koé, j'ai beaucoup d'amis. D'accord. J'ai des problèmes avec les profs. Ah bon? Ah bon? Peut-être, car est-ce que tu parles fort? Est-ce que je pourrais avoir ta gueule? Bon, alors vas-y, je t'écoute. Alors en fait, tu sais, c'était la rentrée il n'y a pas longtemps. Ah bon? Et c'était la rentrée il n'y a pas longtemps. Ah bon? Ah bon. Et j'ai dû remplir les petites feuilles, tu sais, pour dire le nom, prénom de tes parents, leur profession, qui prévenir en cas d'urgence, tout ça. Ouais. Et en fait, j'ai un problème parce qu'à chaque fois que je remplis ces fiches, bah, mes profs, ils pensent que je fais des vannes. Ils font quoi, tes parents? Tes parents, ils ont des métiers chelous? Non, en fait, ils ont des prénoms un peu religieux. Ouais. Genre quoi? Vas-y, dis-le. Genre, mon père, il s'appelle Jésus. Ouais. Et ma mère, elle s'appelle Marie. Oh, ah ouais. Ah. C'est drôle. Et c'est son oncle, Judas, qui vient le dimanche. Et à chaque fois, c'est la merde. C'est la merde, parce que Judas, il est toujours une saloperie. Et... Dans ma classe, il y avait un frère et une sœur, ils s'appelaient Adam et Ève. Ouais. Ah ouais, bah, c'est la vanne que ma tante voulait que mes parents fassent. Ouais, oui. Vous appelez comme ça? T'imagines, t'es à la galère de tout pousser au vice. Il y a le grand-père Moïse qui écarte les montagnes. Non, il écarte la mer. Oui, mais à Tignes. Ouais. Il écarte le lac. C'est vrai qu'à Tignes, le mec qui vient écarter la mer, il n'a pas de boulot. Hein. Globalement, il attend. Tes parents s'appellent Jésus et Marie. Ouais. Jésus et Marie. Et quand mon père, il n'est pas content, bah, Jésus crie. Ouais, ouais. Ah ouais, elle peut nous en faire plein, du coup. Ah, mais j'en ai, mais. Enfin, bref. Et ce qu'il y a, c'est quand je mets leur prénom, ce qui est vrai. Et ben j'ai tout le temps des problèmes, genre j'ai déjà pris une heure de colle parce que le prof croyait que je me foutais de sa gueule. Et ton nom, de famille c'est quoi du coup? T'as qu'à le Nazareth. Nazareth. De quoi, pardon? Non, rien. C'est quoi ton nom de famille? De famille. Bah c'est un nom espagnol, tu vois. Ah ça va, c'est ça. C'est Jesus. Ah c'est Jesus en fait. Et toi t'as pas de prénom non? C'est quoi le tien? C'est Prune. Prune. Moi, je m'appelle Prune, s'il te plaît, c'est un prénom de fruit. Déjà, c'est une blague, ouais. Ouais, j'avoue, Prune. À la montagne, ils auraient pu t'appeler Myrtille, un truc comme ça. C'est local. J'ai pourri. Non, mais ils auraient pu trouver un autre prénom. Et déjà, je suis pas aidée. Et en plus, j'ai un prénom qui est pas évident non plus. Et t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère. Il s'appelle comment? Hector. Hector. Hector, ça va. Ça va, Hector? Hector, ça va. Bon, Hector, ça passe. C'est vrai que Jésus et Marie, c'est quand même. Ouais. Bon, si t'arrives à prouver que c'est le don de tes parents, oui, t'es pas le bon, c'est qui ça? Bah oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, je me fais engueuler. Enfin, genre, hier, pour la rentrée, du coup, mon prof, j'ai le droit. Tu sais, toutes les années, j'ai des petits rigolos dans ma classe. Cette année, c'est toi, j'ai bien compris, je vais t'avoir à l'œil. Petit jeu. Enfin, j'ai direct dû descendre chez le CPE, tout ça, tu vois, alors que j'ai rien fait. Bah, prends en photo leur carte d'identité. Ouais, oui, moi, je serais de toi, j'aurais une fois pour toutes la carte d'identité des parents dans le téléphone, ça peut servir. Ouais. Hein. Bah ouais. Ouais. Bah oui, c'est vrai ça. Que j'ai pas pensé. Ouais, c'est tout con, mais ça va te servir. Non, mais tu vois, ce qu'il y a après, c'est pénible quand même. Oh, ça va, c'est qu'en début d'année. Ouais. Oui, mais bon, après, j'ai plein de vannes du coup, parce que bah, tous les autres gens de la classe, du coup, ils me regardent bizarrement, et j'ai toujours des vannes, bah, genre Jésus-Christ. Est-ce que ta mère elle est vierge, tu vois? C'est drôle. Et il doit galérer ton père à la piscine, non? Tu fais une bombe, bah, poum, sur l'eau. C'est dur pour nager, ouais. C'est ça, il peut pas nager sur l'eau tout le temps. Il marche sur l'eau. Bah, c'est pour ça qu'il s'inscrit pas au JO, hein. Mais par contre, ma chérie, à table dimanche, il prend un morceau de pain. Ah ouais, il a pour tout le monde. Ça, c'est bien. Le mec, c'est pratique pour les apéros. Mais c'est ça. Bon, ça va. Ton père, c'est marrant. Je suis désolé parce que je vais te dire à un moment donné, quand t'es dans la cour d'école et tu dis, toi, ferme ta gueule, mon père, c'est Jésus, d'accord? C'est vrai. Je peux te dire que les autres, à mon avis, la ramènent moins. C'est vrai. Et puis mon grand-père, c'est Dieu, hein. Faut pas l'oublier. Ah oui, du coup. Mais t'as raison. Putain, tu te mets bien. Ah, tu te mets pas mal. Et ils s'appellent comment, tes grands-parents? Mes grands-parents, ils ont des prénoms espagnols aussi. Ah bon, d'accord. Ouais, non, c'est. Ils sont bien trouvés, en tout cas. Bah oui, c'est rigolo. C'est rigolo, mais c'est pesant au quotidien. C'est pesant au quotidien. Allez, je te fais un gros bisou, d'accord? Gros bisou toute l'équipe. Merci, vous adore, Prune. À bientôt. Je t'embrasse, ma chérie. Je t'embrasse. Gros bisous. Écho, écho, écho. Il y a moyen d'avoir une photo dédicacée? Il y a moyen. Oui. Attends que les nouvelles arrivent. On elles est arrivent beau, là. On est beau, okay, sur les nouvelles. On est beau, en effet. On fait, okay, on fait 2m72. On est, ouais, magnifique. On est, wow, magnifique sur les nouvelles. En plus, j'ai vu que t'as perdu du poids. Non, canon, ouais, hein. Bah, tu vas voir. Canon. Les nouvelles, on est tous nus. Ce serait bien qu'on y aille cet hiver, d'ailleurs, là-haut. Hein? À Tignes. Bien qu'on y aille cet hiver. On va peut-être y aller à Tignes. Ouais. Alors, ouais, peut-être pas loin, ouais, de chez toi, ma chérie. D'accord. Go à Tignes, This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. The kisses are the only doubt. Listen up for your lies. Julie n'est pas encore passée, Claudio. Elle sera là tout à l'heure. Claudio Capéo. Dans quelques minutes, Claudio Capéo. Ça y est, ça vient bon, ça vient. Alvaro Soler va venir nous voir. Et on a Sopra vendredi. Ouais. Il va nous faire deux chansons. Viens Sopra vendredi, c'est vrai. Ce soir, je suis en feu, je suis en feu. Double texte à apprendre. Ce soir, je suis en feu. Ah, il est pas bien. Ah oui, t'as raison. Il y aura celle-là aussi. Il va mettre le feu encore. Tes vannes sont pourries, Julie. C'était pas une vanne. Qu'est-ce qu'il a dit encore? J'ai dit, il va mettre le feu encore. C'était pas une vanne, c'était une déduction. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Jeu du public. On a jeu du public. Ah, le public qui se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'est pas au courant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va très très bien se passer, le public, détendez-vous. Respirez, prenez une bonne respiration, en fait. Tous ensemble. Ouais, mais ça, c'est Tilbolt. Mais oui, mais un peu con lui aussi. Oh là là là là là, voici. C'est que on va refaire un bus lundi. Ouais, je pense. Avoir un stagiaire et une réalisatrice qui va partir. Je donne pas de nom, mais bon. Eh, hey, t'es super, c'est pas moi. Bon, alors, on y va. Parce que t'es trop musclé. Hey, allez voir la vidéo de Guillaume, hey, c'est super drôle. T'es trop musclé, tu peux pas rentrer dans le bus avec mes gros pectoraux. Allez voir sa vidéo où il se met à poil, c'est marrant. Je vais vous poser le public des questions sur des aliments. Si vous répondez bien, puisque ça s'appelle le ça t'emballe ou ça t'emballe pas, je crois que j'ai oublié de vous le dire, ouais, vous aurez le droit de manger l'aliment. Si vous répondez mal, vous mangerez l'aliment, mais avec l'emballage. Vous connaissez, on l'a déjà Arrêtez fait plusieurs fois. Arrêtez de vous plaindre, enfin. Amène-moi d'abord le jeune homme en short à droite, c'est lui qui commencera. Pour la peine, il est capable de venir en short. Ouais. Quel est ton prénom? Paul. Ça va, Paul? Oui. En forme. Ouais. On se concentre? Ouais. Grosse-moi, Paul. Paul, on joue pour une pistache avec ou sans la coque? Ah, ça va. Quoi, t'as déjà demandé une pistache avec la coque? Mais non, mais c'est planté dans le palais. De quel arbuste vient la pistache? Je sais pas. T'as cru que ça naissait comme ça, c'est... Ouais. D'accord. D'où ça vient la pistache? Le nom de l'arbre? Des rayons d'apéro? Le Ben & Nuts. Le pistachier. Le pistachier. Le pistachier, c'est ouais. Ça c'est le pistachier. C'est pas c'est loin, le pistachier, mais c'est pas loin. Dommage. Allez, tu me la manges, s'il te plaît. Je vais entendre croquer dans ta bouche. En entier. Voilà, je vais entendre. Voilà, tu mets bien le... Ah. Te pète pas une dent quand même. Ah, on continue. On joue avec la jeune homme à côté. Il est bien, il est bien, il est détendu. Quel est ton prénom? Anthony. Anthony, on joue pour une banane avec ou sans la peau. Ah, ça c'est génial ça. On y va? Ouais. Comment appelle-t-on une grappe de banane? Quand on voit on qu'il y a plein pas. De, y a plein c'est de bananes. C'est dur, hein, n'empêche. On dit bah, que... c'est facile. Ça. Ouais, ça oh, ça bah oui. Hein, je savais pas. T'es sérieuse? Ah ouais, je savais pas. C'est vrai? Eh non, on n'aide pas, madame. Je t'ai vu. Si, je t'ai vu. Je t'ai vu. Alors? Non, je sais pas. Un régime? Ouais, un régime, un de, régime banane. De banane. T'as jamais entendu parler? Non. Eh ben, tu vas voir ce que c'est que de manger avec la peau. C'est allez, plein allez, de vitamines. Fais-toi un kiff, fais-toi un kiff. Vas-y, on va entendre. Tu vois, c'est pas rêche du vas-y, tout. Écoute, moi, vas-y, j'ai déjà mangé avec la peau, c'est horrible. T'es un bonhomme, tu fais. Oh, non, je vais entendre le bruit, Vas-y. Il la déchire. Elle a 6 mois en plus. Tu croques maintenant, tu croques. Ah. C'est pas bon, hein. Reprends un bout, t'as pris le bout là. Commentaire en direct, c'est comment? C'est rêche, hein. Reprends un bout, t'as pas assez repris. Reprends un bout. Oh. Elle est un bonhomme, Anthony. Alors, t'as vu, ça accroche sur la joue. Tu vas avoir la siasse. Ah. C'est bon, on continue. Le gars, la personne va tout à gauche, ta jolie demoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ça va, c'est quoi le prénom? Samian. Salut, Samian. Pas les filles. On joue pour tablette de chocolat, mm-hmm. Avec ou sans l'alu. Voici la question. Comment fait-on du chocolat blanc? Je sais pas. Eh ben voilà, on met du beurre de cacao et on rajoute du lait, de la poudre et du sucre. Ouais, c'est le beurre. C'est que la merde, c'est que le gras. Allez, c'est que le gras du cacao. On met un en fait. Petit bout de chocolat et elle croque comme ça. Avec le papier d'alu. T'as des plombages ou pas? Des plombages ou pas, ouais. Mais arrête. Légende, ça. Mais tu rigoles quoi? Ah, faut croquer dedans. Croque dedans. Non, oh, un micro là. C'est quoi ça? C'est bon quand même. Quand même. Même avec l'alu, c'est bon. Bah, le chocolat prend le dessus sur l'alu. Allez, donc. On continue. T'es prêt? On va derrière. Passe le micro derrière. Allez, on y va. On y va. Quel est le prénom? Colline. Ça va, Colline? Oh, oh Colline. Douce, Colline. On va jouer. Ça va, Colline? Lève-toi, s'il te plaît, on ne te voit pas. On joue. Non, lève-toi. Voilà. On joue pour une crevette. Décortiquée ou en ou entier pas. Voici la question. De quoi se nourrissent les crevettes? Ah, on va prendre des trucs. Ah, c'est bien. Les crevettes se nourrissent de... De De sable. Les crevettes se nourrissent de... Je sais pas. De mayonnaise. De mayonnaise. De mayonnaise. Et tu vois ce que je fais ou pas? Oui, mais moi je comprends pas ce que tu dis. Si. Les crevettes comprends. De rhinocéros. De requin. Les crevettes. T'as vu comment t'es? De t'es un salaud. T'es un salaud parce qu'il fait genre comprends pas, je te donne la réponse. Ah, il vous donne avez pas pris réponse. Une petite crevette. Non, hein. Ah, c'est de la gambasse. Hein. Allez. Et bon appétit. Oh, la petite Colline, la pauvre. Mange la queue. Mange la tête. La tête direct. Ah, c'est meilleur. Je suis désolée. C'est bon ou pas? Et on termine par le gars à côté qui va se lever un colosse. Voici le pizza avec ou sans boîte. C'est quoi le prénom? Nicolas. Bah Nicolas. Nicolas, voici la question. On joue pour la pizza avec ou sans le carton? Nicolas va nous la mettre dans la gueule. Combien coûte une pizza bacon groovy chez Domino's en taille large, pâte fine, à 0,50 euros près? Ah, il est au taquet là. Il les a les tarifs. Allez, vas-y. Je sais pas, j'ai dit 11 balles, non? 11 balles. À 1 euro près. J'ai dit 0,50. À 0,50, d'accord. Tu dis 11? Ouais. C'est 12. Ah, bah 50 centimes près. Allez, tu me fais plaisir. Et il est où le dessus? Bah, le dessus et tout, hein. Ah, il a pris, il a découpé une part avec le carton. Ah, ouais. Ah, il me croquait dans le carton. Vas-y, c'est mieux pour le coup, pour faire manger. Les initiatives. Les initiatives. Il avait qu'à le laisser dans sa boîte sans se prendre la tête. Il avait croqué la boîte. Ah, oui, mais bon. Allez, on y va, mon bonhomme. Ouais. Il va falloir motiver. C'est con parce que sur le dessus ça a de la gueule. C'est comment? Dégueulasse. Ouais. En plus c'est froid, mon ami. Ouais, c'est pas bon. Hein. En plus la pizza elle est froide. Ouais, ah oui. C'est doublement pas bon. Hein. Ouais, c'était le jeu du. Il y a le dernier qui était pas mal. Le dernier on se le fait, on prend la noiselle à côté avec le chapeau. On se lève. Oh là là. C'est une bonjour, quel est le prénom? Ah, c'est horrible celui-là. On voulait le tester celui-là. On joue pour œuf. Avec ou sans coquille. Mais pas une fille, pas une fille, faites ça avec un garçon. Ah bah elle peut le gober ensuite, elle est pas obligée, attention. Ah oui. Et si c'est avec coquille, elle croque dedans, ouais, comme une pomme. Quoi qu'il arrive, c'est égal. Quoi qu'il arrive, c'est pourri. C'est dégueulasse. Voici la question. En 2004, combien de millions de tonnes d'œufs de poules ont été produits dans le monde? Oh, ça va, ça. Ah oui, ça va, c'est facile. C'est facile, ils en ont parlé il y a 6 mois. C'est au programme de... d'Option Poule. C'est au programme de Zone Interdite sur M6. 54, elle a dit. C'est combien la réponse? 55 millions. T'as dit à quelque chose près? Eh bah, ben, je lui accorde. Parce bravo. Que là, alors, ah ouais, là, on voit que t'accordes direct et tout. Bah oui. Elle est tellement près du résultat. Ouais, mais si tu lui accordes, elle le gobe. Elle doit le gober. Elle gobe. Lève debout, parce que là, t'es manges pas la coquille. Ah bah mais tu oui, t'as raison. Dedans. T'as déjà gobé un œuf? Alors, c'est une grande première. Mettez-lui dans un verre. Il est bon, il est bon ou pas? Non, périmé. Non, t'es bon. Oui, bon. Bien sûr autant qu'il est périmé, bon, c'est bien pour s'en balancer dans la gueule, mais pour le boire, vaut mieux qu'il soit bon. Voilà, ah, je l'ai fait une fois, c'est pas bon. Hein. Mais c'est bon pour la santé, apparemment, de gober les œufs. Tu sais pas casser un œuf? Mais il s'est pas cassé un œuf, il l'a cassé dans l'assiette avant de le mettre dans le verre. Mais, mais vous me faites peur, hein, cette nouvelle. Elle est en plastique, l'assiette. Et alors? Elle est pas cassée là-dessus. Non, mais il a raison, t'as beaucoup la raison. Excuse-moi, viens voir. T'es sérieux? Non, mais sur la table, tu donnes un petit coup. Mais tu casses sur la table et tu le fais dans la tasse. Mais j'arrive pas en fait, j'ai jamais fait moi les œufs comme ça. Non, ça fait de mal. Mais tu t'es jamais fait à manger? Bah, les œufs, j'aime pas ça donc. Ah, d'accord. Lui manger, Coco. Je vais flipper. Ah, il y en a d'autres, il faut que tu le gobes. C'est toi qui vas le gober. Hein. Ouais. C'est pas la demoiselle, mademoiselle, vous êtes. Non, mais s'il aime pas ça. Bah, il va goûter. Allez, par contre, tu recraches pas sur mon sec. Hein. Par contre, tu fais pas du tout. Tu recraches sur personne. Hein. Tu gobes. Hein. C'est de l'œuf. Hein. Stallone, il en mange 5 par jour. Hein. Ouais, au milieu, là. Au milieu. J'avoue que après, c'était en forme après ça. Hein. Ouais, après, c'est plein de protéines. C'est des vitamines et tout. T'as des érections, tu bandes comme un poussin. Comment? Tu prends que le jaune ou pas? Non, tu gobes tout. Hop, gorgé. Et fais pas de cinéma. Comment tu peux prendre que le jaune? Allez, t'en mets pas là parce que tu fais du. Le allez, c'est comme juste de la mort. Gob, gob, gob. Ah. Ce cri viril qu'il a fait d'être. Alors, c'est bon, non? Ouais. Allez, on va t'appeler maintenant. Bienvenue sur Énergie, j'espère que tout va bien. Qu'est-ce qu'on écoute? Soprano. Enfin. Voilà. Incroyable. A tout de suite après Soprano. Ah, il arrive, Soprano. Hey, Laria. C'est chaud. Mais c'est bien, on y arrive. Et j'espère que tout roule. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Je sens, je suis intouchable, je danse comme Omar Sy. Je sens le salut, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait passer boum dans la nuit car. Sors de la piste, fais nos grands écarts de Vanda. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regardez.

Nissan, premier supporter de votre entreprise, vous propose la gamme de véhicules utilitaires la plus large du marché pour répondre à tous vos besoins, quelle que soit votre activité. Et avec 5 ans de garantie constructeur sur l'ensemble de nos utilitaires, gagnez aussi sur le terrain de la tranquillité. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Nissan, partenaire officiel de l'UEFA Champions League. Garantie en France 5 ans, 160 000 km, sauf INV200. Modalité sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Cette chanson. C'est vrai. Nous la chantons toute la journée. N'exagère pas sur toute la journée, Julie. Ah si, c'est vrai. N'exagère pas. À chaque fois que t'es là, t'es là. Des fois, tu m'appelles pour me la chanter. Mais moi, non, mais je la chante tout le temps, je kiffe. Si je m'endors, me réveillerez-vous, il fait si froid dehors, le ressentez-vous. C'est surtout la seule chanson dont tu connais les paroles depuis que je te connais. C'est vrai. Parce que même en français, normalement, tu chantes en yaourt. Et là, tu chantes les bonnes paroles. Un homme debout. Ah oh là là, mais c'est vrai, je les connais par cœur. Comment ça va, Claude? Écoute, ça va super bien. Vous êtes tous complètement dingues, donc j'aime ça. On va bien rigoler. On est bien, c'est cool. Détendu. Ça se voit. Regarde-moi dans le public, ils ont des cheveux roses. C'est n'importe quoi. Oh là là. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Regarde-moi, c'est quoi? On en parle de ses cheveux roses depuis tout à l'heure. Il m'agresse l'œil depuis le début de l'émission. Je ne vois ça. Rien dire, mais là, il sache. J'ai l'impression de voir un Pokémon. Voilà. Quand même. J'ai failli t'attraper. Sacha, tu te calmes, hein? Oui. Sacha, il est toujours là. Qu'est-ce que c'est que cet essai capillaire? Bah, je sais pas, j'aime bien Rose. Capillaire. Coiffeuse. Non, pas du tout. Claudio Capillaire. C'est un salon de coiffure. Oui. Non, comme ça, t'as essayé. Oui. D'accord. Ça part un jour. Oui. Ah, ok. Heureusement. C'était quelle couleur avant? Oh, j'en ai fait plein. J'ai fait violet, rose, oh là là. Bleu, rouge. Ah ouais, ça continue comme ça. Un jour, tu pourras plus le faire, hein, parce que voilà, ça va finir comme ça. Ça va finir comme moi. Voilà, merci mademoiselle. Bienvenue. T'aimes bien Claudio Capéo? Oui. Ah, il va chanter tout à l'heure. Tout à l'heure, il va chanter devant toi. Non. Ça me fait très plaisir. La bonne nouvelle, c'est que cet été, oui, ce garçon a été numéro un des ventes d'albums en France. Je dis bravo. Merci beaucoup. Je dis bravo. Ouais. Ah non, mais c'est top, hein. C'est complètement fou, moi je comprends rien du tout, c'est un truc de dingue et puis ben je suis super heureux quoi. Ah ben comme on dit chez nous. Je dis joli mon frère. Ouais. Mais comment c'est possible? Excuse-moi, je dis pas, c'est vrai, c'est dingue, il y a plein d'albums qui sortent, plein de trucs, d'un seul coup, bam, numéro 1. J'en sais rien, c'est, je sais pas, c'est peut-être un truc très simple, une sincérité, un truc, ça a plu aux gens, ils avaient peut-être besoin de ça. Ouais. Ça a pris la première semaine, ça a duré 5 semaines jusqu'à ce que Céline Dion arrive avec son disque. Ah, et puis après, Céline Dion. Faut qu'on en parle. Attends que je la croise. Comme si elle avait pas assez pognon comme ça, hein. Comme si franchement elle avait besoin de les vendre, ces disques, elle pourrait pas les donner. Bah, ça, tellement elle est riche, Céline. Alors que Claudio, il a besoin de vivre. Ah oui. Il veut vendre des disques, elle arrive, est-ce qu'elle a besoin? Moi je serais Céline Dion, je les donnerais. Elle aurait pu attendre, surtout. Mais moi, je serais, oui, moi j'aurais été d'elle, j'aurais été Céline Dion, j'aurais dit j'attends un peu, j'attends que Claudio il en ait marre, après j'arrive, je débarque. Non, elle est arrivée, merde, je t'ai enlevé. Bam quoi, ouais, direct. Bah, c'est la classe quand même. Attends, de servir par Céline. C'est déjà énorme. Mais en plus quoi. Tiens, enfin, un bisou à Thomas, après on aura du monde et puis on se fera le live tout à l'heure et puis on aura des surprises. Thomas, ça va? Ouais, ça va, ça va l'équipe. Salut Thomas. Salut mon Thomas, à toi, vas-y. Alors moi j'avais deux petites questions pour Claudio, c'était pourquoi avoir choisi déjà la... Claudio, pourquoi le clip dans la ville de Lyon alors que t'es alsacien et qu'il y a de belles villes en Alsace? Eh ben c'est tout con, c'est une date qui collait pas avec la météo, en fait il faisait vraiment pas beau chez nous, du coup on s'est dit qu'on va partir au soleil. On est parti à Lyon quoi. Tu es en train de dire que des fois il fait pas beau en Alsace? Ça arrive, et puis parfois il fait bien plus chaud que chez vous. Ah hein, j'aime bien l'Alsace, quel coin d'Alsace tu viens? Je viens de Cernay, c'est près de Mulhouse. Dans les Haut-Rhin. J'aime bien l'Alsace. Ouais, c'est merveilleux. Ça, j'aime bien, tu manges bien, les gens sont gentils. Tu bois bien surtout. Parce que l'Alsacien a l'air rude au premier abord. Il a pas l'air. C'est pas le Marseillais. L'Alsacien, tu dis pas que tu vas lui taper dans le dos. C'est vrai, il a ce petit côté un peu. Mais les Alsaciens, ils sont adorables. Moi, j'adore. L'Alsacien, il supporte le moins 30 l'hiver. Hein, donc, Oui, c'est pour ça. Il regarde, il est comme ça, tu vois. Ça, ouais. Tu sens que ouais, c'est un chalet. Ils tu vois, sont c'est, merveilleux les Alsaciens. Mais j'adore. Moi, à chaque fois, j'ai toujours eu un accueil génial en Alsace. Donc voilà l'explication. Tu t'es retrouvé à Lyon pour la météo. Ouais, pour le plaisir et puis pour voyager un peu quoi. Ah oui, bah c'est un voyage. Bon voyage de hein. Mulhouse, Lyon. Jet lag. C'est suffisant. Ah, ça change en tout cas. Voilà mon Thomas, tu as ta réponse. Oui, je voulais savoir ça lui faisait quoi un tel succès, un petit peu son ressenti, parce que d'un coup comme ça, ça va faire plaisir quoi. Ben écoute, bien sûr, ça me fait super plaisir. Après, franchement, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps de m'en rendre compte et je capte rien du tout. Et je suis juste super heureux et puis je profite de tout ça. Et puis voilà, c'est vraiment sans prise de tête et juste pour le plaisir. Et puis après, on verra bien. Mais pour l'instant, c'est open à tout et puis voilà. Open à tout. Ouais, à tout. Il y a une petite ouverture d'un club échangiste à Mulhouse. Il cherche un mec. Je t'en parlerai. Je te fais un bisou, Thomas. Je t'embrasse. Merci. Ciao, Thomas. Ciao, mon poteau. Il y aura Lénaël dans un instant. Ça va, Lénaël? Ça va très bien, et toi, Koué? Ce sera à toi dans quelques minutes. Ne bouge pas après Dimitri Vegas. J'adore ce son de Dimitri Vegas. Dans la foulée, on sera le titre en live de Claudio Capéo. Ouais. Pour être invité, tu bouges pas? Bien sûr. Allez, bouge pas. Écoute bien ce morceau. Dans celui-là, il n'y a pas du tout d'accordéon. Non. Du tout. Alors, du tout. We'll be right back. L'accordéon ? Ouais, bien sûr. Ah, tout le temps. Il y a l'accordéon. Est-ce que le public va faire la la la la la la la la la? Mais pas comme ça. C'est un peu fini. Ah, il est pourri votre lala. Dis-moi, c'est le lala, c'est la fête de la bière, mais bourré. Ils sont pas du tout synchro. C'est la fin, ouais. Il faut bouger en mode, on se tient par les épaules. Gauche droite. Accorde-les, Claudio. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Vas-y, vas-y. Apprends-leur maintenant. Apprends-leur maintenant, sinon ils vont te foutre la merde pendant le morceau. La la la la la la. C'est pas la même alors. La la la la. La la la la. À vous. Vas-y. La la la la la la la la. La merde. C'est un la la la. Mais non, c'était hein. Très très bien. La merde, la merde. La dame du troisième rang, je le vois bien, elle s'en rend compte. Hein, tu t'es rendu compte que c'était faux. C'est quoi ton prénom? Nénette. Nénette. Mais Nénette, elle s'est trompée d'émission. Ah, Nénette, t'as bien vu que c'était faux tout ça. Alors pour la peine, tu vas le faire toute seule. Bravo, Nénette. Na na na. Je vais essayer. Na na na na. À toi. Na na na na. Na, na, ça c'est na, une autre na. Chanson ça. Alors au début. Ça c'est na na na na na na na na na na na. C'est une autre. Bienvenue Nénette. Merci. Nénette, c'est ton vrai prénom? Oui. C'est comme ça que vous dites les jeunes filles dans le Nord, non? Nénette. Oui. Ah tu es Nénette. Comme ça on parle comme ça. Ah Nénette, tu es Nénette. Tu viens d'où? Du Sénégal. Du Sénégal, directement tu reprends ton RER à quelle heure? Parce que c'est là, si tu repars au Sénégal après l'émission, long, t'es pas arrivé de bonne heure. Hein. Non, pour l'instant, non. Tu reviens de plus. T'habites pas au Sénégal tout de suite, t'as la Non, t'es... j'habite à Neuilly. Ah, c'est moins loin. Ah, ouais, ça va, c'est bien. Bonne émission, Nénette. Tout à l'heure, Claudio Capéo, il chantera, t'as intérêt à bien chanter. C'est hein. Mignon, Nénette. On a Lénaël qui est avec nous. Ça va, Lénaël? Lénaël, Claudio. Ça va très bien, et toi? Oui, ça va bien. T'es heureuse? Très bien. T'as passé un bel oui, été? Très. T'as passé un bel été? Oui. Oui. Nous, tu nous demandes pas. Si on a passé un bel été, tu nous demandes pas. Je crois qu'elle s'en fout de nous, ouais, hein, fout, c'est ouais. Claudio qui tu demandes pas si on a passé un bel été. Mais n'importe quoi. Tu demandes pas si on a passé un bel été. Oui, j'ai passé un bel été. Mais nous, nous, tu demandes pas si on a passé un bel été. Oui, et vous, vous avez passé un bon été? Trop tard, ça vient pas du cœur. C'est chieur. Vas-y, je te présente Claudio. Ouais, salut, ça va, tu vas bien? Salut Claudio, Capéo. Salut. Salut Claudio, Capéo. Capéo. Dis-moi tout. Alors, ma première question est comment t'es venue la passion pour l'accordéon? Ah oui, c'est vrai, ça c'est et pas bah, écoute, ça c'est une grande histoire. En fait, j'en sais rien du tout. En fait, je pense que c'est à force d'en faire, ben, c'est venu et puis c'est avec le temps. Et parce qu'au départ, tu vois, c'était pas du tout une passion, c'était juste pour faire de la musique et pour. Pour faire de la musique en fait quoi. Et puis finalement ben tu sais avec le temps tu t'y habitues, c'est comme les personnes. Mais à la base quand on est ado quoi, c'est pas le premier instrument qui vient. Ouais. Alors ce qui se passe c'est que je voulais faire de la batterie, il y avait une seule école de musique à Cernay. L'instrument principal c'était l'accordéon. J'ai vraiment le choix j'ai en connu fait, mon pote, de faire de l'accordéon. J'ai connu ça, je voulais faire de la guitare, je me suis retrouvé à faire de la trompette. C'est l'inconvénient. Pareil, l'harmonie municipale, je vais faire de la guitare, le mec me dit dans une fanfare, il va dire trompette. Et voilà. Va faire du Jean-Jacques Goldman à la trompette. Tu m'étonnes. Tu peux. Va draguer une fille avec une trompette. Non, là c'est mort. Tu sors une guitare, les gonzesses elles tombent autour d'un feu de camp. T'as déjà vu un mec faire. Jamais. Non. T'arrives à draguer avec un accordéon? T'arrives à draguer toi? Ouais. Aujourd'hui. Ça va. Mais les vieilles. Les balbusettes. Bah non. Les vierges. Tu sais que j'ai plein de jeunes qui viennent me voir et qui me disent bah je déteste l'accordéon, je trouve ça complètement ringard, c'est l'instrument de mon grand-père, mais Mais à présent, j'adore ça, je trouve ça génial et j'ai presque envie d'en faire, tu vois. C'est super dur. Hein. Moi, toutes ces touches à droite et à gauche, plus que souffler, le machin et tout. C'est ça, dur, ça prend, souffler là, le truc. Ouais. Oh là là, c'est compliqué. Le truc à. Ah non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Alors qu'à la trompette, t'es un ténor. Ça devait être 3 touches, pas une dedans. Bon, Lénaëlle, une autre question ? Oui. Et quelle est la pire connerie que t'aies faite dans ta vie ? La pire connerie, oh putain, j'en sais rien. T'as chié dans l'accordéon. T'en as fait beaucoup ou pas du tout ? Mais en fait, j'étais un sale gosse, donc j'en faisais tous les jours. Je me prenais des claques tous les jours, ça c'est sûr. Après, la pire connerie, ah ouais, ça, c'est pas mal. Sauf si t'as tué quelqu'un, je le dis pas, il t'a pas été inculpé au placet. C'est presque ça, je me suis vraiment fait tuer. Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont m'en vouloir et qui vont me dire c'est vraiment un gros con, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire. C'est en fait ma sœur, quand elle était petite, elle avait plein d'hamsters. Et le problème, c'est que tous ces hamsters, moi, ils me cassaient vraiment les couilles, en fait. Ouais. Moi, j'en ai vraiment eu ras-le-bol de ces hamsters. Et puis un jour, j'ai pris le papa, et puis en fait, je l'ai éclaté contre mais un. Mais non. Oh, je jure, quoi. Ah non. J'étais petit, quoi. J'étais petit, hein, et je me suis fait défoncer. Ah, mais la vie, Ligue quoi. De protection des animaux des hamsters, ils vont te défoncer. Demande à Koei. Non, mais vraiment, je m'en veux. Hein. C'était quoi, vraiment pas cool. Bon, ça n'a pas. J'ai jamais tué un animal. J'ai oublié un animal une fois au soleil. Ah, c'est ça. Pareil. C'était pas un hamster aussi. Un furet. Un furet. Ouais, ben tu vois. J'avais sorti dehors et j'avais oublié que le soleil tournait. Ah, c'est con, hein. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il tourne en plus, lui, le soleil. Et lui, il a pas tourné de la même façon. C'est pas nouveau. Ah, je l'ai retrouvé. Ah, terrible. Ah, le pauvre. Ah non, bah oui, c'est horrible, ça fait partie des accidents. Mais c'est une erreur. Il y a le nombre de gens, des fois, qui écrasent un chat ou un chien, ils font pas attention. C'est une erreur. J'ai voulu le mettre dehors tellement ça pue, un furet, c'est une saloperie, ça schlingue. J'ai voulu le mettre dehors et j'ai oublié. Et au début, il était à l'ombre, hein. Le matin, il était pépère. Hein. Ouais. Le soir, il avait pas mis sa crème solaire. Hein. Il avait. Ah, il a oublié de s'hydrater. Hein. Ça a été un problème. Ben, je m'en veux. C'est comme toi avec le hamster. Mais bien sûr, c'est. Voilà. Quand on est enfant, quand on est jeune, on est bébé, on est con, des fois. Tu vas devoir reverser tous les bénéfices de ton album à la Ligue des hamsters. Je vais en prendre plein la gueule, c'est sûr. Bisous Lénaëlle, je t'embrasse ma chérie. Est-ce que je peux passer une dédicace? Vas-y, fonce. Alors, je suis dédicace à Guillaume et à tous ceux qui me reconnaîtront. Eh ben, je t'embrasse, ma petite chérie. Avant qu'on aille et qu'on se fasse le titre en live, bon, on a vu, hein, tu es là, tu démarres numéro 1, mais bon, on sent encore une certaine timidité, c'est normal. Eh c'est bien normal. Sûr. Et bien je sûr. Sens que tu dois et avoir. Comment ça se détend, n'empêche, la ouais, deuxième fois. Non, mais c'est toi qui me. Tu vois, c'est normal. Mais je sens que t'as encore un peu de mal, je pense, à dealer des trucs pour toi, à te servir de ta notoriété. Ouais, ça marche. Ouais, hein. je fais rien de tout je ça. Je vais le faire pour toi. Je fais rien de tout ça. Parce que ton nom. Il faut que tu t'en serves. Ah oui. Ok. Par exemple, on a trouvé un service de location de voiture avec chauffeur qui s'appelle KPO Shuttle. D'accord. C'est pas de la famille. Ok. Non, pas du tout. Bah, tu sais quoi ? On va aller dealer des prix. Appelle-moi KPO Shuttle. On va leur dire qu'on est avec toi. Il faut qu'ils te fassent un prix. Profiter. Quand tu vas à Aix-en-Provence, faut pas que tu payes la prix. Puis l'air de rien, tu leur fais de la pub. Grave. Écoute, pourquoi pas. Bouge pas, tu vois. Je vais dealer un truc. Tu veux quoi ? Des courses gratuites ? Tu vas y chanter des fois à Marseille. Ouais, sûrement, ouais. Est-ce qu'il y a du Marseille dans les dates ? Je regarde les dates. Sur les dates. J'ai du Saint-Etienne. Bon, voiture avec chauffeur. Allô ? Oui, allô ? KPO Shuttle ? Oui. Ouais, bonjour, c'est Monsieur Coé, l'appareil. On est sur Énergie, ça va bien ? Oui, ça va. Je suis avec Claudio KPO. Vous connaissez le chanteur ? Si je m'endors, me réveillerez-vous. Oh, numéro 1. Il n'y a pas l'autoradio dans KPO Shuttle ? Il a raccroché. Monsieur Shuttle ? Ah, ils sont pas sympas chez KPO Shuttle, dis donc. Rappelez-moi KPO Shuttle. Il va se les faire, là. Mais non, mon fond ne raccroche pas, si j'avais envie de louer 12 limousines. C'est vrai. Messagerie Orange, bonjour. Ah là on avait d'autres entreprises. Bon, on a KPO Conseil. Ok. Tu connais peux la famille chez KPO Conseil. Ah, je sais pas, c'est l'expertise comptable. Ouais. Bah, ils vont en avoir besoin. Hein. Bah, oui. Hey, je vais trouver des combinaisons pour que tu payes moins d'impôts. Ah, je te dis les ça. C'est bien ça. On va faire de la défisque. Attention, parce que là, ça rigole pas dans les trucs de conseil. Hein. Ah bah oui, il pourrait mettre ta chanson au moins en attente. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce qu'on va leur proposer. Ah oui, bonjour. T'imagines un truc de conseil ? Oui, je m'endors, me réveille. J'espère que vous allez me répondre. Là, il y a des chances qu'on se fasse raccrocher au nez en moins de 10 secondes. Hein. Pourquoi ? Pas de rigolade. Je rigole pas. Hein. Les experts comptables, c'est pas oui. Allô ? KPO Conseil, Solène, bonjour. Bonjour Solène de KPO Conseil, comment allez-vous ? Ça va et vous ? C'est Monsieur Coé, on est sur Énergie, vous allez bien ? Vous savez avec qui, vous savez avec qui je suis ? Non. Claudio KPO. Vous voyez qui c'est ? Je vois. Vous voyez ? C'est un peu votre patron. Hein. C'est vrai. Dis bonjour à la dame. C'est dis la famille. Bonjour, vous allez bien ? Ça va ? Ouais, super. Alors, je vous appelle, on va faire un petit deal, madame. Si il chante votre annonce de répondeur, parce que j'ai entendu votre annonce musicale, c'est pourri. Hein. On va vous répondre dans un instant. C'est pourri. Si jamais il vous chante l'annonce de répondeur, est-ce que vous voulez bien lui donner des techniques pour qu'il paye moins d'impôts ? Parce qu'il va en payer. Il a été numéro 1 tout l'été. Donc il y a un moment. Ah bah ça.

hein. C'est ma femme, je te jure, c'est je peux ça. Te dire. Hein. Ça va se passer ce que tu viens de dire. Hein. Attention. Hein. LP, tu connais LP? Bien sûr. Ah, c'est cool. C'est beau, hein? Ouais. On a vu le physique, ça va pas du tout. Non, faire, moi. Ouais. Du, c'est tout, vrai, du, hein. du tout. On aura Zao qui vient de voir. C'est un pote. Alvaro Soler, c'est pas mal ça. C'est l'été, ouais, ça. Ouais, j'adore. C'est le soleil, c'est bien. Parce qu'ils chantent, je comprends rien en espagnol. Ah, c'est bien ça. Maître Gibbs. T'aimes bien? Bah écoute, en soirée, c'est génial. Moi, j'adore. Je connais personne qui ose dire derrière un micro Maître Gibbs. Ouais, non, c'est trop de la merde. Tout le monde aime Maître Gibbs. Dès que tu dis Maître Gibbs, ouais. C'est grave. À l'époque, il y avait Joey Starr. Tu disais Joey Starr, t'aimes bien? Super, super. Vraiment, les mecs qui se retournaient parce qu'ils n'étaient pas derrière. J'adore, je kiffe. Booba, oh là là, j'adore. Alors, j'ai Coronel Rayel, la crevette là, rien à foutre. Les mecs, ils pensent au physique. De toi, on te chiera dessus un jour. Mais les mecs diront Claudio Capéo, on n'aime pas du tout. Le mec sympa. Bon, mon poteau. De quel endroit tu viens déjà, tu nous as dit? D'Alsace. Avant qu'on se dise au revoir, il faut qu'on rende hommage à cette région que j'aime bien, l'Alsace. Ouais. Nous allons faire le cocktail alsacien. Ok. Le cocktail alsacien est un cocktail grâce à ce magnifique blindé. Wow. Très beau blindère qu'on a acheté 49 €. Mais tout ce qui passe là-dedans, on a plus des années et qui doit sentir la mort. Rigolez pas, j'ai acheté un blender la dernière fois, 49 €. Ah ouais? Et alors? Pas cher. Ah, c'est pas, je croyais que c'était pas très cher. 49 € pour un blender. Bon, c'est le prix d'un blender. Ouais, mais tu t'en sers tout l'été avec. Moi, j'avais la petite trappe sur le côté. L'hiver, tu le ranges? Tu fais couler tes smoothies. On s'en fout, mais cet été, j'ai passé mon temps à faire des smoothies. Je mettais des trucs dedans, je trouvais ça bon en fait. C'est bien, c'est pour ça que tu maigris. Tu découvres des trucs. Ouais. J'ai découvert le blindère. Bon, nous allons donc mettre des spécialités de chez toi. Ouais. Alors nous avons, mettez-moi la base. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais j'ai du vin d'Alsace. Ça, c'est du pas cher. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien sûr. Ouais, bah du coup, mollo. Ouais. Il y a des dépôts dedans, c'est dégueu. Ah. Nous avons le bretzel. Ah, les bretzels, c'est bon, les bretzels. Mais avec mélangé avec le vin, je suis pas sûr. Ouais. Ouais. Ensuite, nous avons de la choucroute. Croûte. Paquet. Voilà, que le chou, quoi. Ouais. Regarde la gueule du chou. Ensuite, nous avons du. Pas d'épices. Pas d'épices, eh oui. Ouais. Ah, c'est de là-bas, ça? Ouais, c'est du. Ouais, c'est dans l'Est, tout ça. C'est ce qui paraît, quoi. Ouais. Ce qui paraît. Ouais, hein. On va lui dire que oui. Quand, hein. c'est bon, on dit oui. Ah, t'as vu, il a dit, on va lui dire que oui. Mais c'est là-bas qu'on dit oui. Eh, ça, c'est quoi? Bière. Ouais. Ah, et la bière de. Bon, on en boit partout en France. Allez, hop là. Bah, on en boit, c'est la bière. Purement de liquide. C'est vrai, c'est vrai. Ah, oui. Il y a les bières en à Strasbourg. Oh là là, ça va être dégoûtant. Pourquoi c'est laiteux? C'est le chou et la bière. En plus, je vais donc jamais poser des questions à des gens de cette équipe sur Claudio Capéo. Ah, mais mal. Oh là là. Si jamais vous répondez bien, vous ne buvez pas. Si vous répondez mal, sur la vie de Claudio, vous boirez un verre. Ouais. Pas un verre. Hein. Ah, il est bien mixé là. Vous avez remarqué que je suis en train de le mixer longtemps quand même. Ouais, mieux que Bob Sinclair. C'est drôle. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Faut remettre un peu. Remets un peu de bière, c'est un peu. Pas la pointe. Rappelons que l'abus d'alcool est dans. Ouais, mais on va pas vraiment la boire. C'est un smoothie. C'est un smoothie, c'est avec des fruits, les gars. Je vais mettre ça dans un coin. C'est du houblon et du raisin. C'est des fruits. Voici la première question pour Julie. C'est moi une question facile, sois sympa. Qui est le. Si vous vous aidez et que vous êtes gaulé en flag, vous buvez. Question dure, de toute façon. Allez, qui est le gagnant de The Voice l'année où Claudio y était? Ah, mais elle connaît, elle suit. Non, justement, elle a un trou de mémoire, regarde sa tête. Ouais. 5 secondes. Attends, ils vont me dire quelle année? 4. L'année où 3, il était. Elle est frérot de la Vega? Non, bien joué, il était pas il y a 10 ans, il est en sort. Slimane, allez, j'ai fait une question facile. C'était la question la plus simple. Gorgée pour papa. Non, mais elle avait envie de goûter, quoi. Ah, oui, bien sûr. Alors, et tu nous la fais pas à l'envers comme tu fais d'habitude. Allez, là, regarde, on est repéré, c'est là. Moitié du verre. J'ai repéré le truc. Ouais. Je crois qu'il faut pas que tu te poses de questions. C'est le chou qui prend le pas de toute façon. Je crois qu'on aurait pu mettre n'importe quoi. Ouais. Le chou, il passe au-dessus. Je déteste le chou. Oh, et de toute façon, dis-moi un truc que t'aimes. Ouais. À part les grosses bites. Ok, j'adore le chou. Excuse-moi, mais. On va faire de la grosse bite pixée. C'est classe. Pas. Oh, bah écoute. Oh là là. Allez, vas-y, je vais boire du chou pour toi. Allez, on y va. C'est dégueulasse, c'est pas possible. Piètre. Ouais. Ah, ça pue. En quelle année est né Claudio Capéo à 2 ans près? Ah, c'est évident. À 2 ans près, hein. Fais un petit calcul, il a pas l'air vieux, on est en 2016. Je dirais 82. 85, c'est on con. Sent le c'est con. Allez, on y va, on boit. On sent le goût du bretzel. Ça pue, vers 9. Après, allez, t'as un arrière-goût de bretzel. Stouff, viens ici. Ah. Stouff, viens. Ouais, c'est pas bon. Ah, t'as pris une bonne gorgée. T'as pris une bonne gorgée, toi. Voilà, rapproche-toi. Je peux pas boire du fou. Guéguette, on joue. Ah. De quelle ville vient Claudio? Il l'a dit tout à l'heure, en plus. Mais bah, il faut le retenir. Bah ouais, c'est con ça. Fling, rush, tu finis par Scheim. Ah, moi je l'ai. Non, c'est un mot normal. Moi je l'ai. Vernet. Non. Bernet. Pas loin. C'est Julie, elle triche, celle qui prend. Elle me souffle. Non, je triche pas. Si, elle me souffle. Elle lui a montré un C. Elle lui a montré un C. Je t'aide. On va considérer que c'est cerné. Cerné. Bonne réponse, Gaguerre. Tu ne bois pas. Attends, je t'aide et tu me balances. Ça va, non, ça va pas. On joue pour un bon verre. Combien y a-t-il d'habitants à Cerné? Ah, ça, c'est facile, par contre. Bah oui, ça, il l'a dit aussi. Si tu dis la bonne réponse, c'est que t'as triché, de toute façon. 11 426. La meuf, elle nous donne le chiffre exact, tu sais. Allez. La poubelle est là. J'écarte la poubelle. La poubelle s'ouvre. Écarte-toi. Et je te confirme, quand j'ai goûté, il va y avoir Roland. Ouais. Ah ouais, c'est dégoûtant. Il va y avoir Dindon là. Tirer Roland. Après, sur la fin, quoi qu'elle aime bien l'alcool, c'est tout. Ouais, mais non, non, moi aussi, mais là, non. Là, c'est plus le chou et le bretzel. Ouais, ouais, ouais. Hein. La texture, elle est dégueulasse. Oh là là. Allez, bois, hein. bois. Oh, c'est pas trop. Ah putain, il y en a sur mon téléphone. C'est plus chou du tout là. Oh là là, mon dieu. L'instant qui a pris cher. Et l'écran qui a pris cher. Il est où, Mathieu? Ah, ça va. Putain, tiens. Non. Une petite gorgée encore. Une petite. T'as tout caché, t'as rien bu. Allez, petite gorgée. Éloigne-toi, mon ami, parce que t'as belle chemise là. Putain, mais là, il y en a plein à l'ordi. C'est quoi cette nana qui a sauté jusqu'à nous? Elle avait plein d'appels, on s'est pas jusqu'à nous. Oh, c'est horrible, on termine. Ah, ma pauvre stouffe. Dernière question pour Claudio. Oh, ah, t'as un beau verre, toi. C'est sa vie, il doit la connaître. Écoute-moi, c'est ta vie, tu dois la connaître. Hein. Là, si toi, t'as pas la réponse. Claudio, moi, j'ose plus, je touche à cet écran. C'est heureusement que c'est la fin de l'émission. Hein. T'es prêt? Aussi. Ramenez la poubelle, quand même. Combien non, t'es un bonhomme, toi. Y a-t-il d'abonnés sur ta chaîne YouTube? Ah. Tu devrais savoir ça. 2346. Il y a longtemps que tu n'es pas allé. Ouais. Ça fait longtemps, ouais. 65 420. Ah, presque. Ah, putain, merde. Ok. Mais c'est voilà. Pas, en fait, j'avais envie de goûter. Ah ouais, bah vas-y. Vas-y, tiens, prends ça. Ah, c'est pas bon, hein. Oh. Ah, c'est bien dégueulasse. C'est pas moi, c'est pas bon? Ça a vraiment le goût du vomi, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'as c'est pas vrai, goûté, je crois. Hein. Bah non. Ah, vas-y, je vous souhaite une bonne soirée. Demain, dès 19h sur Énergie. Notez bien, à partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0, du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez sur Énergie, bonne soirée les mecs, Guillaume Radio 2.0. Il est 22h01, on prend l'antenne comme chaque soir à partir de 22h pour les deux dernières heures de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée les gars, on se retrouve ici. Vous voulez venir nous appeler, vous êtes les bienvenus. Hein. Guillaume et votre message là, au 6, 11, 12, on fera Sopra carré. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer, regardez d'un hublot. Content de vous retrouver, 2 heures de foire. Je vous aime, salut Amandine de Soma, 27 ans, comme tous les soirs avec vous. Je vous kiffe sans oublier Juliette du Standard. Salut Mathis du 37, coucou de Moissac, bisous de Jenny du 82. Est-ce que t'as reçu ma carte de l'Espagne? Alors on m'a mis le courrier aujourd'hui, je vais regarder tout ça. Gros bisous ma chérie, merci pour le message en tout cas là. Allez c'est parti, hein, si vous voulez balancer une petite dédicace, un petit message, prévenez les autres hein, quand vous êtes au bayou, au boulot, la journée. Dites-leur qu'on se retrouve à partir de 22h sur Énergie. Je suis avec Julien Stagiaire ce soir qui est là. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. On est que tous les deux dans le studio. Ouais, en amoureux. À l'extérieur du studio, au Standard, il y a Julia qui est avec nous. Salut Guillaume, salut tout le monde. Qui derrière, il y a Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir Guillaume. L'homme aussi, mais c'est pas vrai. T'as une façon de parler. Ah bon, il a trois balais dans le cul ce soir. Ah, mais c'est tellement pas en plus. Enfin, il vieillit, il prend 10 ans par bonjour. Ça va Flo des cadeaux, t'as passé une journée? Ouais, hyper bien, c'était cool. Ouais, c'était cool, t'as fait quoi de. Eh ben, j'ai reçu un colis que j'avais commandé il y a longtemps et donc bah, du coup j'étais. C'était quoi dans le colis? Ça a l'air passionnant. C'était des CPL pour chez moi pour amplifier mon Wi-Fi. Merci beaucoup. C'est quoi un CPL? CPL c'est pour il vient de le dire. Ah ouais, mais c'est mon Wi-Fi. Non mais c'est vrai, c'est parce que je l'avais pas dans ma chambre, c'est relou. Ah et du coup ça permet de amplifier le Wi-Fi. Du coup maintenant j'ai le Wi-Fi en ma chambre. Ça marche bien? Ouais, ça marche super bien. D'accord, très bien. Voilà. Ça s'appelle un PFL? Un CPL. Un CPL, rien à voir. Un CPL, très bien. Et merci, maintenant j'ai le courant qui me donne internet partout. Même pour les voisins du coup. Ah bah c'est super. Merci beaucoup. Voilà. C'est très bien. Salut Guillaume. des watts poteaux coup de klaxon du routier. Salut le barbu, bonsoir à toi. J'ai stagiaire, était vraiment, je suis même ma grand-mère, faut pas le voir. Ah ouais, toi c'est méchant. Salut à Bastos du 73, Mehdi Joule, Robin, Bozio du 42. Bonsoir mon Guillaume, à toute l'équipe, je vous attendais avec impatience. Salut Caro du 79. Bisous. Le blond te va ravir, merci Zaina. La perruque que j'ai mis dans TPMP, c'est pour ça qu'il dit ça. Salut Thomas, 27, salut Guillaume, ça fait bizarre de vous entendre les mecs. Dédicace à mes frères en Corse, bonsoir à tout le monde. Salut les frères au Corse, Murder, le coup de la perruque avec ma chemise. Salut Johanna du 78. Allez-vous revenir à la Fnac de Caen? Bah pourquoi pas, avec plaisir Emma de la team Yoplay là. Avec plaisir, on va essayer de repasser. Bah ouais, c'était bien, Guillaume, au début du texto, si vous voulez me lancer un petit message, une dédicace par SMS ce soir. Guillaume et la dédicace au 612. Il y a Benjamin qui a appelé de Issou dans le 78. Et après, je vous explique pourquoi il n'y a pas le JM du standard. Tu m'entends, Benjamin de Issou? Ouais, salut Guillaume. Ça va, Ben? Salut. Ça va, mon con, quoi? Attends, et j'ai une petite musique là. Ça fait un peu genre asiatique. Tu sais, il y a un petit côté salon de massage un peu. Ouais. Juste derrière le son, quoi. Bon, Benjamin Dissou représente les Yvelines, hein, le 78. Près de Paris, ouais. Ah, ouais. Oui. Merci d'appeler, c'est gentil. Bah, merci à vous de recevoir. C'est sympa, c'est sympa. T'as 22 ans, hein, représente les gens qui sont nés, hein, c'est important. Hein, 22 ans aujourd'hui. Qui sont nés donc en 94, c'est qui est con. Ouais. Et on n'est pas encore en 2020. Ah, ouais, c'est, excusez-moi, bientôt, mais pas encore. Bon, c'est vrai, t'es né en 94 alors. Ouais, c'est on, ça. On est à 22 ans, ouais, je pense. Non, mais n'hésite pas. Il a eu un doute. Il est pas au courant. Déjà passé à la radio ou jamais pour toi, là? Bah écoute, c'est pas mon dépucelage de la radio. Je suis déjà passé chez Mickaël quelques fois, mais chez toi, bah, c'est la première fois. Et bah c'est très sympa. Et bah sois le bienvenu, alors merci beaucoup. Merci. T'es passé, comme on dirait, par la petite porte. Hein. venir dans le salon. À l'arrière. Écoute, t'es passé par le trou. Ouais, au fond. Le trou, c'est très bien, merci beaucoup. En tout cas, peu importe d'où vous arrivez, vous êtes les bienvenus ici, vous êtes à la maison. Voilà, 22h minuit, on termine la journée ensemble à Guillaume Radio 2.0. On a des cadeaux à vous filer. Il y a des PS4 et des Xbox One, encore il y en a plein. Donc ça va tomber avant la fin de l'émission. On se fera Soprano, on se fera Snake et Justin Bieber aussi. On se fera le nouveau Martin Garrix là, qui défonce, qui s'appelle In the Name of Love. On se fera Zao, MHD, Laissez les comas. Je sais pas si t'as. Tu sais, pas ce que j'ai vu, un ultra can à TPMP. Bisous à ma Mauricienne que j'aime, salut Maël, que j'aime de toute ma vie. Bisous, salut. Salut Flo des cadeaux est devenu noble, Alan de 60. Ah oui, il parle un petit peu, tiens, bail dans le film. Ah ouais, Flo, deux cadeaux, désolé. Salut Guillaume, coucou les mates, trop content de vous entendre. Salut les gars, coucou à tout le monde, je vous kiffe. Tu pourrais faire une dédicace pour mon frère, s'il te plaît, salut les gars. Bonsoir Amanda du 7-6, gros bisous, ça va bien le blanc, merci. Je vais rencontrer Sonia dimanche grâce à toi, deux playeuses. Ah bah très bien. Enchantée Amandine, 27 ans de chemin qui va rencontrer Sonia. Salut à vous les filles. À vous tous, un pur bonheur de vous retrouver. Et bisous à ma chérie Amélie. Bonsoir Améline. Salut Fifou. Il n'y a pas de problème. Full son, j'adore. Je vais rencontrer Sonia. Petit dédicace à Hugo aussi, mon pote, qui doit peut-être écouter. Salut Quentin. Voilà, Guillaume et votre dédicace au 6-11-12. Je les lis. Si vous découvrez l'émission ce soir, ça se passe comme ça tous les soirs, hein, de la vie en général. on va retrouver JM du Standard qui il est bientôt 22h09. Ouais. À 22h09, c'est la blague de JM du Standard. C'est le rituel, ouais. Tu m'entends, JM du Standard, ou pas? Ouais, salut Guillaume, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va? Salut mec. Je suis au top. Ouais, très bien. Et après on va parler, alors c'est pour ça il y en a qui me dit que tu devais reprendre un Eric d'hier soir. Effectivement, on parlait de cul, on parlait même de fist anal avec Jim du Standard. Il appelle pour ça. Et on va reprendre Eric, mais on attend juste 5 minutes que Jim du Standard soit venu, puisqu'on avait parlé des choses un petit peu hard qu'on avait fait avec nos copines. Il nous avait dit qu'il avait testé le fist anal. Il est un petit peu tôt pour en parler. Bah 22h07, ouais. On attend encore quelques minutes parce un petit quart d'heure. Nous faire chier, voilà. Donc Jim du Standard, tu vas raconter une blague parce que tous les soirs c'est la blague de JM du Standard, mais tu vas la raconter comment? Ah ben là, je vais aller en terrasse en fait, et je vais aller devant plein de gens, et je vais leur raconter ma blague en espérant que ça leur plaise, quoi. Ouais, est-ce qu'il y a du monde dans le bar où tu vas, ou dans le café là? Ouais, il y a du monde. Ouais, du monde sur la terrasse? T'as la pression, ouais, même. C'est vrai ouais. Franchement, j'ai la pression, je te jure, j'ai la pression. Bon. Oh merde. Elle est bonne la blague. On va écouter celle d'hier. Attendez, il est 22h07, j'ai juste une minute. La blague d'hier de JM du Standard, il est dans le studio. Dites-nous ce que vous en pensez là. C'est par SMS. Donc en fait, c'est avant de signer un contrat, c'est un homme d'affaires, tu vois, il visite une usine qui produit des objets à base de caoutchouc. Donc le directeur, il fait la visite et tout, il s'arrête devant une première machine qui fait des sons bizarres. Ça fait dong, pshu, dong, pshu. Le directeur, il explique en fait que la machine, elle fabrique des tétines pour les biberons. Le dong, c'est lorsque la tétine, elle est moulée. Et dès que ça fait pshu, ça veut dire qu'elle est percée, tu vois. Donc il continue la visite et tout. Il s'arrête devant une machine qui fait des capotes. Et là, l'homme d'affaires, il entend dong, dong, pshu, dong, dong, pshu. Putain, mec, dis, attendez, monsieur, votre machine, elle a un problème. Elle fait des trous dans les préservatifs. Et là, le directeur de l'usine, il fait, oui, un préservatif sur quatre sort de l'usine et percé. Et là, l'homme d'affaires, il fait, mais attendez, c'est pas très bon pour la réputation de la marque, ça, non? Et là, le directeur, il répond, non, mais c'est très bon pour la vente de tétines. Merci. Voilà, c'était très bien. JM du Standard, félicitations à toi. Ouais, voilà. En plus, j'ai un mégaphone, Guillaume, là. Ah, là, alors, t'as un mégaphone pour parler fort. Ouais, très bien. Un mot par là. Le bordel. Eh ben, écoute, vas-y, hein, Manon. On y va, je m'approche. Devant, dites-nous un pareil, c'est votre avis qui m'importe. Ce JM du Standard, il a toujours l'impression. Attends deux secondes. Il a toujours l'impression d'être drôle. Il est 22h09, c'est la blague de. On a un rituel. Il fait peur, là. On a un talk cette année. Ouais. C'est la blague de JM à 22h09. Vous envoyez. Ouais. Et envoyez-moi Guillaume et une note sur 20 aussi, 11-12. On y fera sa note pour commencer l'émission. À JM du Standard, ensuite, on va parler des beats sur Snap avec Benjamin. Ah bah c'est bien. Dissou qui nous a appelé du 78. Tu bouges pas bien, on va parler de Zizi. Hein. Ouais, on va parler du Zizi snappé là. On va en parler dans deux secondes. Mais d'abord, JM du Standard, on t'écoute quand tu veux, je mets la petite musique. Et c'est parti avec le haut-parleur. Je m'avance, ouais, voilà. J'arrive devant le bar et tout. Il y a combien de gens qu'on imagine à peu près? Il y a une quinzaine, une vingtaine de gens là. Ouais, très bien, très bien. Allez, vas-y, on t'écoute. Je vais dire. Bonsoir mesdames et messieurs, je vous demande 2 minutes d'attention, en fait je vais faire une petite blague, je suis en direct à la radio, je vous jure que c'est vrai. Et après vous pourrez me noter si vous voulez. Alors en fait. Explique que t'es sur énergie. Ouais, je suis sur énergie en direct et tout, vous pouvez écouter si vous voulez. Je vous fais une petite blague et après vous me dites si elle est bien ou pas, comment vous la trouvez. Alors en fait je vous explique, c'est une réunion de famille, ça, voilà, c'est une famille qui est en train de manger une semaine avant Noël. Et d'un coup il y a le petit garçon qui fait je veux une PS4, je veux une PS4. Et là d'un coup il y a son père qui lui dit calme-toi, le Père Noël il est pas sourd. Alors il dit rien et tout. Et 5 minutes après, il recommence. Je veux une PS4, je veux une PS4. Et là, sa mère, elle lui dit, bon, tu vas te calmer, le Père Noël, il n'est pas sourd. Et là, l'enfant, il regarde ses parents, il fait, ouais, le Père Noël, il n'est pas sourd, mais mamie, elle est sourde. Il y en a qui disent c'est la même blague hier, mais non, parce que j'ai rediffusé cette diarrhée. J'ai sur 10, j'ai sur 10. Alors, combien? Ah, 10. 10 sur 10 aussi, Guillaume. Ouais, ouais. Alors, attends, 0 sur 20 pour l'instant, 6 sur 20 nul. 17, non. Tellement j'ai honte pour lui, énorme, Zaina. T'as vu quand les gens ils sont en face de toi, ils disent pas la vérité. 17 sur 20, Alan du 60, tu as fait mieux, JM, tu m'as déçu, 16 sur 20. C'est bien, c'est 20 beaucoup. Sur 20, c'est trop bien. 18, Mordor, salut Nino du 7-3. Salut à Maxime, Louis, Antoine et à Edouard, qui doit sûrement vous écouter. 15, Maxime. Énorme la blague de JM. Dédicace à ma soeur Pauline de la part et de Fanny. Bonsoir à toi. Salut. Alors dites-moi, Guillaume, et une petite note sur 20 pour JM du Standard, combien il mérite. Très drôle, 18 sur 20, c'est pas mal. Ah, bien joué. J'ai déjà oublié la blague. Non, c'est un petit qui crie et dit le Père Noël est pas sûr, il fallait le Père Noël, non, mais mamie, oui. Alors il faut qu'elle entende ce que je veux. 15 sur 20. 20, JM, c'est le meilleur. Voilà, salut Karine. Karine, 10, c'est bien payé. Sur 20, 19, Enzo du 6-4, il raconte vraiment bien les blagues. Double 0, bonsoir au lycée. Du lycée Dumont d'Urville à Caen et à Julien Stagiaire à son anus dit 20 trop bien sa blague. Cyril du 84, 19 sur. Attends, il est lourd au téléphone, j'ai dit ça là, t'as. Allez, reviens au studio, j'ai vu son art. Je vais mettre un peu la sirène. Vas-y, mets la sirène. Chez les voisins. Voilà, merci. Allez, merci à tous. Allez, on se le fait là. Steak et Justin Bieber Soprano juste après. Salut, quelle est la différence entre on sort, mais c'est pourri, 7 sur 20. 18, moi je la veux bien, la PS4, c'était pas sourd. Salut Sacha du 44, c'était pas sourd. Salut. Super drôle, Ciné Lydie, salut, 20 sur 20. Ce qui donne une note quand même pour la vanne de JM du Sandin à 15,82. Ah, c'est bien, bravo, bien joué. Le logiciel, pas mal quand même. Très bonne. Allez, 15,82, on va parler des beats sur Snap avec Benjamin. Est-ce que vous avez déjà retrouvé avec le Zizi sur Snap ou autre chose? Tu m'entends, Ben? Bien sûr, je vous entends. Bon, merci d'appeler en tout cas, Benjamin. Salut, c'est plaisir. Salut, 22h13, nous sommes en direct, je précise. C'est que du direct, il y a eu du foot aujourd'hui. Non, il n'y a pas eu de foot, mais il y a l'iPhone 7 qui est sorti. Il y a l'iPhone 7 qui a été dévoilé. Le feu qui est sorti. Mais t'as compris le message. Exactement, ils ont annoncé l'iPhone 7, ils ont montré le visuel et tout. Ouais. Avec le prix. Et alors 1000 euros, je crois. 1000 euros, à peu près. C'est de plus en plus cher, non? Bah, ils abusent. Pour un téléphone. Flo des cadeaux qui est anti-Apple, alors là, ils se déchèdent. Là, il va lâcher. Il n'y a pas la prise, il y a ci, il y a ça. Je suis pas anti-Apple, je trouve qu'ils font des bons produits, mais ils essayent quand même d'arnaquer les gens. Ouais, d'accord. Parce que là, la prise Jack, par exemple, je sais pas si, par contre, si Apple cautionne Flo des cadeaux non plus, dans l'autre sens. Je sais pas, mais c'est que mon avis. Après. Et t'aimes pas du tout Apple, toi. Non, j'aime bien, je trouve qu'ils font des bons trucs, mais ils essayent toujours d'arnaquer les gens. Pourquoi d'arnaquer? Alors, tu vas prendre un poulet. Oula, oula, c'est pas bien. Il y a des stories de fous, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fous, on fait passer l'ennui. Tu disais quoi, faire des cadeaux du coup là? Ouais, ils essayent tout le temps. Ah, je plaisante, vas-y. On va parler de Snap et j'envoie ça. Y a des stories de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement. Les stories, c'est quand on met notre vie sur Snap en gros, ça s'appelle les stories. Ouais, Flo des cadeaux. Ouais, le coup de la prise Jack, c'est quand même dommage quoi, juste pour vendre des écouteurs. Mais non, mais en plus. Bah pourquoi? C'est juste qu'ils. Non, ils te les donnent les écouteurs en plus quand tu l'achètes. Ouais, mais. C'est juste qu'ils ont peut-être trouvé un truc mieux que la prise Jack qui existe depuis 40 ans. Je sais pas, ils ont peut-être trouvé un système pour avoir un meilleur son. Par exemple, moi sur mon ordi, j'ai une prise USB-C là, les nouveaux Mac, et ben putain, ça va 100 fois plus vite. Ah, c'est mieux, donc tu vois, on a beau dire machin, je mets 2 gigas en 3 secondes. Attends, qu'est-ce que quand on parle? Et la prise USB, ça fait 15 ans que ça existe, donc c'est normal qu'ils inventent. Il faut mieux. Il y a de temps en temps des nouveaux trucs. C'est comme si t'étais un papy qui arrive parce qu'il n'y avait plus de disquette. Ah, mais la disquette, aujourd'hui, on a inventé la clé USB. Voilà, donc non, faut racheter des trucs avec une clé, peut-être, mais après, ça marche plus vite. Ils auraient pu faire le changement en douce.